ça fait du bien de retourner en arrière avec des vieilles chroniques. Ça me remplit le bedon aussi, c'était bon. C'est beaucoup de portions, je trouve, aujourd'hui de Beauplacement. Oh, j'en prendrai encore, moi. Ben, en v'là dans la deuxième heure tantôt. Bonne idée. Assemblage requis, déjeuner au lit. Vous êtes toujours au déjeuner au lit d'Assemblage requis. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et on déguste des chroniques passées aujourd'hui. La bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mentent. Je dis fromage! C'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Oui! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vraie bouffe de la semaine. La semaine passée, on a fait de la malbouffe de la semaine. Oui, 6 fois, si je me trompe pas. À plus ou moins, oui. Ah ben ouais. Écoute, Mathieu, c'est pour ça que tantôt, je t'ai demandé, t'as-tu du vin? Ça aurait été juste trop drôle de faire un vin et fromage. Ah, j'avoue. Par inadvertance. Parce qu'on se consulte pas. Ben non, jamais. Imagine, ça arrive jamais de se faire un vin et fromage par inadvertance. Ça aurait été pas pire. Enceinte sans savoir, vin et fromage sans par inadvertance. Écoute, là, je veux tout de suite te rassurer, Mathieu. Ouais. J'ai trouvé, écoute, des fromages fins, mais c'est un fromage sans lactose. Arrête donc, c'est le fun, ça. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, je l'aurais pas pris. Oh. J'aurais pas voulu te causer de malaise. Donc, je suis allée au végétarien. Je me suis dit, ça fait longtemps que je peux aller. Oui. Je vais fouiller un peu. Il y a vraiment plein de beaux petits fromages fins. Et là, c'est un fromage de Saint-Benoît-du-Lac. C'est le frère Jacques. J'en ai entendu parler souvent. Puis là, je me suis dit, hey, c'est le moment de l'essayer. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'ils ont toute une gamme de fromages sans lactose. Que ça, c'est vraiment le fun. Donc, pas besoin de se casser la tête avec ça. Donc, c'est fait de lait pasteurisé, sel, culture bactérienne, antimicrobienne, chlorure de calcium, colorant. C'est la base du fromage, hein? J'imagine. J'ai jamais fait de fromage. Tu as déjà fait du fromage? Non, jamais, non. Je préfère le prendre tout fait. Ben, c'est ça, moi aussi. Honnêtement, le fromage, je le fais pas. De toute façon, pour l'endroit où il s'en va, ça se blague. C'est encore moi, comme tout le reste, ça s'en va là. Donc, écoute, c'est 32 % de matière grasse, 42 % d'humidité. Ah, ça, c'est bon, l'humidité. Honnêtement, ça ne dit pas grand-chose, l'humidité. Je vais être bien honnête, là. C'est pour un cube de 3 cm, donc 30 grammes, c'est 110 calories. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme entre les deux, parce que oui, du fromage, c'est santé, il faut en manger, il y a du calcium, mais il y a quand même 6 grammes de gras saturé. Donc, du fromage, on essaie de ne pas en mettre partout, même si c'est bon, puis qu'on en met quand même partout. Contrairement aux Américains qui en mettent une tonne sur tout, là. Oh, oui, vraiment. C'est comme le bacon. Faut pas trop en mettre, mais on en met pareil. Mais il y a quand même 7 grammes de protéines. Il n'y a pas de glucides là-dedans. Là. T'as pas de sucre, fait que ça compense. Tu t'en penses? Ben. Donc ça, c'est fait à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, parce que c'est un fromage de Saint-Benoît-du-Lac. Et c'est le frère Jacques, et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est tout? Ah, mais il y a rarement beaucoup de détails sur les fromages. C'est ça, donc c'est un fromage affiné à pâte ferme. Ça, je pense que c'est quand même bien de le préciser. Le prix par livre? Non. Au kilogramme? C'est 34,99 le kilogramme. Oh, OK. Donc, pour 130 grammes, ça revient à 4,55, mais il était à 15 % de rabais à la caisse, appliqué à la caisse. Donc, présentement, si vous voulez goûter au frère Jacques, allô végétarien, il est en spécial. Ben, puis il est beau, il ressemble aux autres, tu sais, les beaux petits fromages avec des petits dessins dessus. Je sais pas, montre-moi donc devant de quoi il a l'air un petit peu, là. Ben, c'est ça, ça ressemble vraiment aux autres avec des petits dessins dessus. C'est quoi, c'est une ferme, ça? C'est cute, ça a l'air d'un vrai fromage. Non, c'est une église. Calvaire, c'est pas une ferme, c'est une église. Ben, je suis loin. Mais c'est une église avec des arbres en automne, avec un lac. Ça doit être le lac de Saint-Benoît. Probablement. Parce que c'est Saint-Benoît-du-Lac. Puis c'est beau, hein? Oui. Puis écoute, on voit déjà, parce que l'emballage est transparent, il y a une petite croûte orangée. Ah, moi, je trouve qu'il a l'air vraiment bon, là. Je salive. On l'ouvre-tu? Ah oui! Ouais. Ah. Je vais approcher le micro magique, là. Parfait, il t'attend, là, depuis la semaine passée. Micro magique! Hey, sais-tu quoi qui est génial? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit truc ouvrir ici. Une petite encoche, mais il n'est pas refermable. On n'ira pas jusque-là quand même. Ben non, on va tout le manger. Là, là? OK, cool. On va pas refermer ça. Caroline, c'est cool. Tu peux en manger, il n'y a pas de lactose. Yay! Ah. Donc, le micro magique pour ce merveilleux fromage. Tout de suite. Je vais essayer de pas le sacrer à terre. OK. C'est mieux. Même s'il y a du moisi dans le fromage, c'est pas parce qu'il y a du moisi à terre qu'on va rajouter dessus. Une blague. On n'a pas ça, on est bien propre. Ben voilà. C'est fait. Super facile à ouvrir, j'aime ça. Ben moi, oui. J'aime pas ça, me faire suer à ouvrir ma bouffe. Quand tu veux manger, c'est parce que c'est le temps de manger. C'est maintenant, pas plus tard. T'sais. Déjà, il faut que tu découpes un petit morceau, faire des petits craquelins ou des affaires de même quand t'invites du monde. Là, le sac doit être facile à ouvrir pour compenser. Bon. Non, non, moi, mon fromage, je sac ça sur la table avec un couteau. Puis arrangez-vous. Les gens s'arrangent, c'est ben ça. Oui. Non, je pensais à dire, non, mon fromage, je le mange tout seul. Je veux pas personne pour le manger. Hein. Fait que, écoute, il est quand même assez ferme. Admettons qu'on essaie de le couper avec un couteau en plastique. Mm-hmm. C'est quand même difficile. Il est assez ferme. OK. Donc, je vais te passer ton morceau dans le couloir de la mort. Non. Je veux dire le couloir sans dégâts. Comment qu'on l'appelle, moi, sans dégâts? Hey, ça, c'est un morceau, ça? Oui, oui, je t'ai fait un méga chunk, c'est-à-dire merci. La moitié du fromage. Aïe, aïe, OK. Fait que ça représente la moitié de 130 grammes. C'est-à-dire 65. Et la moitié de 7 piastres, probablement. Mais non, 4,55. Ah, c'est pas super. Moins 15%. En plus. Hein? Donc, est-ce qu'on y va avec l'odeur pour commencer pour un fromage? Je pense que c'est important. Ah ben oui, c'est vrai. Hein? Ça me fait penser à du suisse un peu? Hein, pas tout. Non? Ben, il me semble. Je suis pas un connaisseur ben, de fromage. Ah ouais, mais un suisse très léger. Oui, oui, oui. J'avais pas précisé, excuse-moi. L'odeur est quand même... Tu sens que c'est un fromage... Tu sais, qu'il va avoir quand même un certain goût, mais c'est quand même léger. Ouais. Puis on voit là, à l'œil, il y a quelques mini trous. Tu sais, c'est pas un suisse avec des bulles avec du caractère. Là. C'est vraiment quelques rares trous. Minuscules, oui. C'est ça. Sa peau, en tout cas, sa carapace à l'extérieur est très mince. Hein? Oui, c'est ça, j'allais dire. Mmh. C'est très, très mince. Donc, c'est vraiment juste la surface. On dirait qu'on l'a passé au rouleau. Là. C'est pas une croûte. En cire ou c'est pas une grosse croûte de moisissure, si on, ben de champignons, ouais, ouais. Comme un berry par exemple. Mm-hmm. Donc c'est pas poilu, là, c'est lisse. C'est ce qu'on aime. On aime ça. Il y a des petites lignes en dessous, je sais pas si t'as vu. On dirait des petites marques de grill quasiment en dessous, je sais pas trop pourquoi. Ben, ça doit être à cause du rouleau, là, ça pointe d'un crack. J'imagine. Toujours. T'es-tu prêt à goûter à ça? Ouais, je suis prêt. Attention, on va baisser la trame évidemment pour goûter et bien entendre la texture dans les micros. Oh! Mmh! Mmh! Ah, vraiment? Tu goûtes pas le fait que c'est sans lactose, hein? Ça goûte vraiment le fromage. Ben, c'est ça, j'allais dire. Qu'il n'y ait pas de lactose, ça change absolument rien. Est-ce que tu manges la croûte, toi? Ben oui. Ben oui. Mais surtout celui-là du brie, par exemple. Ça se mange tout seul. Ah, il est vraiment bon. Mmh. Il y a un petit goût léger, mais comme. Il y a un petit punch en même temps. Il est très moelleux. Ça se mange bien. C'est pas dur, faut pas que tu croques trop fort. C'est vrai qu'il est très moelleux sous la dent. C'est presque... pas pâteux, pas du tout pâteux, mais... Il est pas fondant comme un brie, mm-hmm. Mais t'as pas l'impression de devoir mastiquer. Il est ouais. Quand même fondant. Tu sais, si on le laissait dans notre bouche longtemps, il fondrait. Oh, on essaye-tu pendant 15 minutes pis on parle plus. Mm-hmm. Ça marche. Mm. La salive le décompose. Mm. Mm. Ah, je prendrais un bain là-dedans. Non. Pour vrai, très très bon. Je pourrais pas te dire à quoi le comparer. Ça goûte pas le suisse du tout? Ben, un petit peu quand même, non? Non, mais non, je trouve pas. Okay. Mais j'ai pas goûté tant de fromage que ça dans ma vie. Oui, j'en ai quand même goûté, mais je retenais pas nécessairement les noms. Faut que je m'y mette. C'est vraiment difficile pour moi aussi de déterminer, mais il me semble que je dirais cheddar. Est-ce que c'est un cheddar? Hein? Non? C'est quelle sorte de... Ben, c'est un frère à Jacques. Frère à Jacques, c'est ça. De Saint-Benoît-du-Lac. Ça paraît que je connais rien. Qui est vraiment très, très bon. Mm. Fromage à pâte ferme. Mm. Mais fondant. Moi, j'arrête plus de manger ça. Là. Ah, c'est bon, hein? Mm-hmm. Ah, c'est cochon. Souvent, il y a des fromages qui nécessitent d'être sur un craquelin. Celui-là, pas du tout. Pas besoin de rien. Non. Le fromage en tant que tel est très, très, très satisfaisant. Je pense que ça serait... Le fromage idéal pour quelqu'un qui veut commencer à découvrir autre chose que le fameux cheddar et mozzarella ambré et qu'on veut commencer à explorer des fromages un peu plus fins, légèrement plus goûteux, je pense que c'est ça serait un bon choix pour commencer. Tout à fait. Bon, il va falloir mettre ça de côté parce que sinon, on passerait vraiment du temps là-dessus. Ben oui, ben vas-y, écoute. Je sais même pas où le mettre, j'ai comme une pas sur la table. Dégueu. Pour vrai, la table de c'est fou. Hein. Donc, moi, de mon côté, j'ai amené quelque chose à boire. Ben t'as peu, là. Quoi? C'est plus la bouffe de la semaine, non? Non, t'as bien raison. T'as peu. Fait quasiment, je vais aller chez. On a pas de napkin ni rien. Ben non, lèche-toi les doigts. Tu veux que je t'aille? Je peux te lécher les doigts. Franchement. Oui, transitionnons comme on doit le faire à la prochaine étape. C'est la malbouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Non, non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Je me suis mis une race dans la bouche. Pourquoi pas? Je pense qu'il est bon, ouais. Mm-hmm. On va nous en acheter un autre après l'émission? Clairement. Donc, ça, j'ai amené quelque chose à boire. Ah? Ça a l'air bon. Hein, c'est quoi? Je sais pas, je suis allé à SAQ tantôt et j'ai vu rhum épicé. Ok, SAQ. Oh! Je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu et Danny Janvier fait tout le temps la bière de la semaine, qui est l'inspiration de notre chronique. Donc, je me suis dit, nous aussi, il faudrait bien boire une fois de temps en temps. Mais avec du rhum? De la bière, c'est pour les faibles. Ouais. Désolé de le dire. Donc, c'est un rhum épicé. Mélange alcoolisé de qualité, nous dit-on. Okay. Moi, j'ai vu qualité, je me suis dit, bon, c'est ça ma hauteur. Déjà, on peut dire c'est dans une canette, là. C'est ça. Donc, c'est un prêt à boire. C'est un prêt à boire. C'est Cayman Jack qui fait ça comme un caïman, comme un animal. C'est une nouvelle saveur exceptionnelle. Rien de moins. Exceptionnelle. Nommée Ouragan Marin. Donc, okay. Si je comprends bien, c'est la compagnie Cayman Jack qui fait un rhum épicé à saveur d'ouragan marin. Bon. Mais c'est bizarre. Pour ouragan marin, j'aurais pas choisi la couleur orange et la couleur jaune. Ça rappelle... t'aurais pensé peut-être à une saveur de citrouille ou quelque chose comme ça, non? Ouais, ou peut-être à l'orange. Mm-hmm. Quelque chose de plus agrume. Ben, en même temps, c'est un petit peu agrume parce que ça dit « mélange d'ananas et d'agrumes broyés relevés d'une touche d'épices des Caraïbes ». Oh. Donc, ça a un certain sens, les agrumes. C'est écrit en lettres attachées, très, très illisibles. Apprivoisez l'alligator et découvrez le monde fascinant des saveurs tropicales. L'alligator? Moi. C'est ça que t'as dit? Ça, j'ai dit. Moi. Ah? Apprivoiser l'alligator. On dirait que je suis pas certaine de... Tu sais, quand ils ont fait le brainstorm au marketing, là, on dirait que je suis pas trop sûre où ils voulaient s'en aller avec tout ça. Il y a plusieurs chemins qui ont été pris en même temps, je pense. Mais c'est ça, c'est en anglais, c'est Grab the Gator. Donc, vraiment, Gator comme un alligator. Mais la compagnie s'appelle Cayman Jack. J'imagine que Cayman, c'est vraiment juste un autre nom pour un alligator. Moi, je pensais que c'était différent, Cayman, de l'alligator. Non? Je sais pas. Veux-tu que je check ça? S'il te plaît, la différence entre Cayman et un alligator. Donc, Cayman Jack est le nom de la compagnie. En anglais, c'est pas une nouvelle saveur exceptionnelle, c'est une New Superb Flavor. Donc, on va devoir déterminer si c'est exceptionnel ou superbe en y goûtant, je pense. Et le nom de la boisson est Hurricane Cove, au lieu d'ouragan marin. Donc, c'est en canette, comme on l'a dit. J'aimerais ça si tu pouvais me passer un verre pour que je puisse te verser ta portion. Tu veux pas que je l'ouvre dans le micro magique? Ah, excuse-moi, t'as bien raison. Mais en même temps, ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourrait chacun en prendre une. Ça va nous préparer pour le 5 à 7 qu'on vous propose de venir nous rejoindre ce soir. Pourquoi pas? Pour aller voir le lancement du nouveau CD Vitaphone de Bio Bazar. Est-ce que tu te rappelles à quel endroit on s'en va ce soir? Au Zenob! Tu savais pas ce qu'on s'en allait? Non, pas vraiment. Je me suis dit, moi, te suivre. Oui, étant donné que c'est moi qui ai le permis. Je peux-tu te faire une parenthèse? Les caïmans constituent une sous-famille de crocodiliens de la famille des alligatoridés. Oh. Fait que t'as crocodiliens alligatoridés, donc proches des alligators, mais ne présentant pas de septum osseux entre les narines. Ah. Les caïmans sont tous originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce terme est probablement d'origine caribe. Cool! Donc, je pense qu'il y a un lien, là. Je pense bien que oui. T'es-tu en train de me dire qu'on n'a pas besoin de verre? What? Que j'ai forcé à aller sortir d'autour de mon café pour absolument rien pendant toute l'émission? Ben, une fois le premier sorti, le deuxième t'as pas si pire. Hein? Non, c'était difficile. Ouais. Mais je n'ai pas besoin de verre moi non plus. Pourquoi j'arrête pas de te pointer pour un verre? Moi, je sais pas, t'es vraiment gossant. Ah, je sais bien. Donc, un micro magique pour ouvrir cette boisson de Cayman Jack Spiced Rum. Pour s'assurer que ça pète pas dans la face de personne. Donc, c'est un bruit classique. Comme toutes les autres canettes. odeur? Ben, à l'odeur, ça sent le rhum. OK. Étonnamment, d'habitude, il me semble que dans des boissons comme ça, on va pas sentir l'alcool. D'habitude, c'est plus fifille, plus comme du jus. Mm-hmm. Mais là, je te dirais que l'odeur alcoolisée est présente. OK. T'as senti? Un petit peu. Ça sent les agrumes beaucoup aussi. Ça sent vraiment le rhum agrumé. Oui, oui. Ça sent, je... Oui, oui. On dirait que ça sent la peinture pour moi, ce genre d'odeur-là. La peinture? Je sais pas, on dirait que je fais des associations bizarres dans la tête. Là. C'est pour ça que je suis pas un critique culinaire. C'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque semaine, je fais un fou de moi dans cette chronique-là. Mais tu me fais penser à mon chum hier qui m'a dit... Non, il me semble que... Je sais pas si le goût... Il me semble que c'est fort. Puis il arrivait pas à mettre le doigt dessus. Puis je me souviens pas ce qu'il m'a dit, mais c'est, fait comme, ben, c'est, parce que c'est juste comme de la lime. Il me semble que c'est un goût facile à identifier. Mais c'était... Je sais pas, on dirait que les gens interprètent pas les odeurs et les saveurs de la même façon. Mm-hmm. Je trouve ça fascinant. Donc toi, tu t'es prêt à boire de la peinture? Ouais. Moi, je trouve que ça sent vraiment le rhum et les agrumes. Parfait. Ben, allons-y avec une première gorgée. Chin-chin. Chin-chin. Ça goûte la peinture, par contre. Ah! Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est pas trop agrumeux non plus. C'est vrai, il n'y a pas vraiment une grumule dedans. Pas tellement. Je sais pas si c'est... Parce qu'on n'a pas regardé les ingrédients à main. On sait même pas c'est combien de pourcentage d'alcool. On n'est pas des... Pour 5,8. 5,8, OK. Ingrédients au carbone, attends un peu, au gazéifié. Alcool neutre de canne à sucre. Glucose, fructose, rhum. Donc le rhum arrive seulement en quoi, quatrième place. Ben là, j'espère. J'aime ça. Ben, c'est rare que tu te fais un verre de rhum puis que tu rajoutes un petit peu de jus dedans. Ça donne envie de le faire? Ben écoute, je trouve ça... Mais je m'attendais à quelque chose de plus estival. Mais ça, je boirais ça à l'année. Sans cesse tous les soirs. Mais pour vrai, c'est très très bon. Puis c'est pas un petit jus qui tombe sur le cœur, je trouve. Ça goûte vraiment le rhum. Je trouve ça très bon. D'habitude, je trouve qu'il y a... Le goût d'alcool est pas assez présent, mais là, tu l'as, la petite touche de rhum, là, avec les petites épices, tout ça. Je trouve que la présence de gaz est suffisante. C'est pas flat, mais c'est pas... Ça t'hormone... Pas agressant, c'est ça, moi, ça t'hormone pas les narines. Ça te pas dans le nez, là. Moi, pour vrai, de le servir dans autre chose qu'une canette à n'importe qui, il me semble que je trouve que là, ça ferait estival. Peut-être que c'est de le boire dans une canette que moi, je trouve que ça fait un petit peu pas de classe. Moi, je trouve que ça fait camping. Pour vrai. Mais une fois ou versé plage. Dans un... Tu sais, quand t'as pas le droit d'amener des bouteilles en verre, là. Non, c'est... moi, j'aime beaucoup. J'aimerais ça voir s'il y a d'autres saveurs. J'ai cherché un petit peu. C'est la seule saveur que j'ai vue, Ouragan Marin, jusqu'à maintenant, à la SEQ, à côté de chez moi, sur des Ricolets. Et est-ce que c'est dispendieux? Je crois que c'était une... C'est quand même un petit peu cher. C'était au-dessus de 10$. Il me semble que c'était comme 12$ pour un emballage de 4 canettes. Donc, c'est classique. C'est dans standard. Les... Ouais, ouais, ouais. Je trouvais que ça valait la peine pour une journée comme celle-ci de... Mais écoute, moi, je trouve ça vraiment fantastique. C'est quelque chose que je me rachèterais assurément pour aller à la plage, pour aller à la plage, ou encore ou juste pour me saouler seule à la maison. Non, je trouve que c'est une belle petite boisson de soirée, de terrasse. Écoute, je suis très satisfaite. J'aime vraiment ça. Génial. On s'entend sur les deux produits, en fait. J'ai adoré ton fromage que moi, je vais me procurer, c'est sûr. On rappelle son nom. Le frère Jacques de la fromagerie Saint-Benoît-du-Lac. Génial. Et de mon côté, le nouveau Cayman Jack Spiced Rum Ouragan Marin à la SOQ. Ou en français, rhum épicé. Rhum épicé, tout à fait. Nouvelle saveur exceptionnelle. Je me demande c'était quoi avant. C'est ça. Est-ce que c'est exceptionnel ou superbe, dépendant de la langue, comme on a dit tantôt? New Super Flavor. Ouais. Bon. C'est superbe et exceptionnel. Non, mais c'est vrai, superbe, c'est comme, c'est là. Puis exceptionnel, c'est comme une méga coche au-dessus. Exact. Mais c'est vrai. La bouffe de la semaine. Mmh. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mentent. Du cocognos. C'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Oui, salut Mathieu Plante. Salut. Première étape, enlever l'autocollant. Vert, rond, avec un panier d'épicerie. Ah. Je l'ai payé. J'aime pas ça. Mais t'as pas pris de sax pour ça, hein? Non, je sais, mais je pense que c'est un trouble obsessif compulsif. Ouais. Par exemple, moi, manger un sac de chips qui a un prix collé dessus, je suis pas capable. T'es donc bien folle. C'était, faut surtout qu'on pense que t'es folle. Soudainement, t'es rampée. Je m'excuse, là, mais toi, t'achètes des cochonneries régulièrement puis ils s'accumulent dans ton frigo. Ouais, j'y mange pas vraiment, hein, c'est ça. T'es un peu power weird. Mais j'essaie de bien manger. Non, mais j'y remets à plus tard. Je garde beaucoup de malbouffe dans mon réfrigérateur et dans mes armoires en prévision qu'à un moment donné, quand je vais vouloir manger cette malbouffe-là, elle va encore être disponible. Mais je sais pas, moi, n'importe quel sucre, n'importe quand, ça fait mon bonheur. En tout cas, donc... OK, à soir, je vais te les finir. OK. Donc, aujourd'hui, je vous présente... En fait, c'est un produit... je vous en ai déjà vaguement parlé. J'avais décidé de pas l'acheter, mais là, finalement, j'y ai succombé. Je sais pas si tu te souviens, Mathieu, j'avais apporté... c'est vraiment dans les premiers bouffes de la semaine. C'était un yogourt, mais à base de soya. Oui, j'avais pas aimé ça. Celui-là, un petit cop genre rectangulaire. Non, non, non, ça, c'est du pudding de tofu. Mais c'était vraiment un yogourt fait à base de soya. C'était pas la même chose du tout. Okay. En fait, je pense que tu l'avais aimé. Ça se peut. Hey, on a tellement goûté d'affaires. Oui, on a vraiment mangé beaucoup. On mange tout le temps. Donc là, je te ramène un produit encore de la marque Yozo. En fait, c'est avec les produits de yogourt biologique. Mais c'est pas du yogourt. Le but, c'est d'imiter. J'imagine, parce que c'est avec ces produits-là. Mais c'est un crémeux à la noix de coco de culture de qualité supérieure. Ah, oh, tu sais comment j'aime la noix de coco. Donc, j'imagine que c'est supposément une imitation de yogourt, mais c'est fait à base de noix de coco. Donc, si je regarde, c'est écrit en dessous, en vraiment tout petit, purement préparé à partir de chair de noix de coco biologique entière déshydratée à basse température. Donc, c'est vraiment de la noix de coco. Et j'ai choisi l'arôme de chocolat. Je me suis dit, non, pas vanille. On va essayer un petit mix. Donc, c'est vraiment crémeux à la noix de coco, mais au chocolat. Donc, j'ai vraiment très hâte de goûter à ça. C'est un petit pot de 440 grammes, conservé au réfrigérateur, fabriqué au Canada. Et c'est végétalien. Oh, oh! Donc, tout le monde peut manger ça. C'est cool. Ben, tout le monde, oui. Ben, j'imagine. Si t'es végétalien, tu peux le manger, ça veut dire que tout le monde peut le manger. Donc, c'est fait de noix de coco. Ben, ça dépend. Il n'y a pas de lactose là-dedans. Peut-être pas parce que c'est déshydraté à basse... Est-ce que c'est considéré comme cuit, c'est déshydraté à basse température? C'est peut-être pas halal et autres. Hein. Tu sais, les crudivores, c'est pas cachère. Donc, non, pas tout le monde peut manger ça. Ouais, il y a bien des gens qui sont... Ceux qui sont allergiques à la noix de coco non plus. T'as raison. Donc, c'est fait de noix de coco biologique pure. C'est édulcoré avec du sirop d'agave biologique. C'est bon, le sirop d'agave en plus, on aime ça. Donc, ça ne contient ni produits laitiers, ni gluten, ni soya, ni d'agents de conservation ou d'arômes artificiels. Ça contient une culture bactérienne vivante non laitière qui est le Lactobacillus acidophilus. On dirait une espèce de déviance sexuelle. Ou un gag dans Roadrunner où il y avait tout le temps des, quelque chose muscle. Oui, ben oui. Et c'est une bonne source de calcium. C'est une source élevée de fibres alimentaires. Donc, si on regarde pour une portion de 125 grammes, c'est 158 calories. Ça fait bizarre, on dirait qu'on est habitué à des chiffrons, mais là, c'est 158 calories. Il y a quand même beaucoup de gras. Donc, c'est 7 grammes de lipides, dont 6 grammes qui sont des gras saturés. Donc, c'est quand même beaucoup, mais ça fait partie de la noix de coco. Donc, il y a des gras dans les noix, donc comme la noix de coco, 6 grammes de gras saturés, mais il n'y a pas de gras trans. Les gras trans sont plus dommageables que les gras saturés. Mais il y a quand même un peu de bon gras, donc tu as 0,2 g de polyinsaturé, 0,4 g de monoinsaturé, presque pas de sel. Il y a quand même beaucoup de sucre, 26 g, mais c'est de la noix de coco et du sirop d'agave. Faut s'attendre à ça. Il y a seulement 1 g de protéines, mais il y a quand même des protéines. Donc voilà, et 17% de la portion quotidienne de calcium, ce qui est très bien pour un produit non laitier. Donc c'est pas mal ça. Fantastique, ça a l'air très bon. Moi, tu me dis coconut et chocolat en même temps, je ça fais doit être double bon. The joy. Puis le pot, juste le pot, tu le regardes, ça a l'air d'un produit biologique, tu oui. trouves pas? Il a l'air fin, il est tout vert. Hein? Mais tu sais, il est pas mal vert. OK, il est pas ouvert. Non, non, le haut, tu sais, c'est comme vert avec une petite curve. Puis dans le bon, on a des photos de noix de coco. Un avec Photoshop. Des gros morceaux de chocolat. Ils ont l'air tellement bons, ces morceaux-là, en plus. Je veux ceux-là, je veux ces morceaux-là dans le yogourt. Ah, le... serait bon, hein? Ah, oui. Je sais pas s'il faut brasser, hein? Ah, bonne question. Bon, on va commencer par l'ouvrir, j'imagine, mais comme oui, le veut la tradition. Je vais approcher le micro magique. Notre petit ami qui nous attend pendant 6 jours, 23 heures et... Il se peut plus. Là. C'est ça. Donc, je baisse la trame. Donc, première étape, faut enlever le couvercle. En plastique, bien sûr. Facile. C'est un peu plate. Maintenant, la pellicule d'aluminium. C'est pas super beau. Non, c'est rarement beau, surtout quand c'est brun comme ça. Est-ce que tu vas... Non. Lèche pas l'emballage, hein, quand même pas. Ça aurait été une bonne première étape, c'est ce qu'on fait tous, mais on a besoin de goûter une vraie première bouchée sans arrière-goût d'aluminium. Voilà. Ben moi, d'habitude, je le gratte avec ma cuillère. Je fais ça aussi. Chez les doigts. T'as une petite cuillère de plastique, est-ce que tu penses que ça va venir nuire au goût? Non. Non, non. Calme-toi, je pose des questions comme l'auditeur poserait. Je trouve que c'est des bonnes questions. Oui, parce que l'auditeur a vu la cuillère que je viens de prendre. Mais c'est un fait qu'il faut savoir. Il faut connaître les facteurs de l'expérience. T'sais. Quand on te donne un sondage, il va falloir que tu dises qu'il y a 1800 répondants. Donc, on va y aller à l'odeur qui est déjà venue à mon nez. Okay. Donc, ça sent quand même fort. Je vais sentir ça. Ça sent quelque chose que je sais pas c'est quoi, puis ça sent bon. Bon. Écoute, j'arrive pas à déterminer. Écoute, je vais t'en donner. Okay. Donc, je vais recycler le petit pot dans lequel j'ai apporté ma galette. Donc, ça va avoir un arrière-goût de galette, là? Probablement. Okay. Ben non, je pense pas. Je vais goûter le dessus pour commencer. Ouais, c'est ça. Donc, commence par sentir. Merci. Et dis-moi ce que tu penses de l'odeur. Ça sent, je trouve... c'est vrai qu'il y a comme un... Écraline. Je sais pas trop si ça met. Ça sent... Mais ça sent les brownies, on dirait, non? La pâte de brownie. La pâte à biscuits, le brownie. Ça sent de la pâte à biscuits pas cuite. Voilà. Je pensais jamais avoir une bonne réponse à cette chronique-là. Puis ça sent vraiment la noix de coco, le chocolat, ça sent vraiment bon. Adorable comme une sentant. Chance parce que à l'œil, il a l'air quand même d'avoir des motons. Ben ouais, j'avoue un petit peu de motons. Il y a plus l'apparence d'un pudding. Oui, c'est très gélatineux. Oui. Mais c'est brun quoi. Fait que je pense que c'est vraiment le goût qui va faire la différence. Donc, je suis vraiment curieuse. Crémeux de coco. Et moi, je suis prête à goûter. Goûtons, je braise la trame. Alors, je rajoute des airs partout aujourd'hui. Voilà. Oh, c'est très goûteux, hein? Oui, hey, c'est la noix de coco vient te donner un gros coup de poing dans la gueule, hein? Vraiment, elle est vraiment agressive. Bon, c'est vraiment très, très bon. Je sais pas, ça a un petit goût... pas épicé, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais on dirait que ça kick vraiment. Mais oui, vraiment, on dirait vraiment qu'elle sac une volée. C'est, je dirais pas surette, c'est sûr que c'est pas surette. C'est pas amer. Une chance qu'ils ont sucré ça. Oui, je pense qu'ils ont vraiment rajouté un petit peu de sucre pour venir balancer ça. C'est ça, parce que du cacao à la base, c'est pas sucré. Donc si on met du cacao, c'est pas ça qui vient sucré. C'est quand même pas mal bon. La texture est très lisse. Oui, je remarque pas les gros. Il n'y a pas de mouton. C'est juste comme à l'œil parce que c'est très gélatineux. Trouves-tu que ça a l'apparence d'un pudding, mais la sensation en bouche d'un yogourt quand même. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Mais... C'est vrai. Bon, une sensation yogourt, je dirais même... on dirait que c'est le petit côté yogourt. Tu sais, le yogourt nature, ça a un petit kick amer un petit peu. Oui, c'est ça. C'est un peu poreux comme texture, comme le yogourt. Mais sais-tu que... Pas mauvais, hein? C'est vraiment bon. La première bouchée, elle surprend. C'est vraiment... c'est vraiment faut que t'avertisses ta bouche avant. T'sais. C'est vraiment inattendu. Mais là, elle est comme habituée, puis je pense qu'elle l'apprécie. Là. En date, ça se mange tout seul. Je te dirais que je passerais probablement à travers le pot en une seule fois. Ben, ouais. Ça coule bien en bouche, c'est vraiment... ça s'avale, tu y penses pas. On se tanne pas. Non. Pas en date, évidemment. C'est facile de dire qu'on se tanne pas alors que ça fait 32 secondes qu'on le mange, t'sais. Mais non, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, pour ceux qui ont des allergies, des restrictions alimentaires ou des choix alimentaires, je pense que ça, c'est vraiment une belle option. Ça goûte la noix de coco. La petite saveur de chocolat est quand même subtile, mais terriblement agréable. C'est vraiment, mais vraiment un coup de cœur. J'aime vraiment ça. Un très bon choix, Steph. Vraiment réussi. Donc, ça s'appelle... c'est Yoso. C'est comme soya, j'imagine? Ou c'est quoi? C'est ça. C'est la marque Yoso. C'est noix de coco. C'est tout simplement un crémeux à la noix de coco qu'on retrouve dans la section biologique de votre IGA. Voilà. Maintenant, ça nous amène à passer au côté un petit peu plus... sombre. Le dark side of the bouffe de la semaine. Voici la malbouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Non. La malbouffe de la semaine. Y'en a qui disent des fois que je suis un peu rapide. ben la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mentent. Des calmars? Hein? Quoi? Ah! Ah! C'est la... Est-ce qu'on aurait dû commencer par le tien? Je pense vraiment qu'on aurait dû commencer par le mien. Parce que j'étais en train, pendant l'intro, de comme l'intro est pas mal plus courte pour la malbouffe, là, comme genre 15 secondes. J'essaie de finir le plus vite possible mon yogourt parce que je pense pas que ça va fitter du tout avec les chips. Je vais arrêter là. Donc, c'est des, tu vois, je vais t'amener le produit. C'est ça, je t'ai déjà mentionné un indice en disant chip. Tu trouveras peut-être pas ça super original d'amener des chips parce que, bon... À un moment donné, c'est de la malbouffe, puis il y en a pas. Mais c'est pas comme si c'était pas la première... Tu sais, c'est pas la première fois que j'amène du yogourt style. Exact. C'est ça, donc c'est ça. Mais quand on est allé à l'épicerie, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, on est passé devant ce produit-là quand on achetait une bouffe de la semaine à un certain moment donné, et je me rappelle pas de ta réaction. Est-ce que c'était « j'ai déjà goûté » ou est-ce que c'était « wesh, ça doit bien l'air dégueulasse ». Mais c'est quoi? Ben, on dirait que je comprends pas. Je l'ai revu en dépanneur. C'est les chips Double Dutch hors d'œuvre épais ondulés, à savoir de calmar et tzatziki. Ben écoute, je vais t'annoncer quelque chose, c'était pas moi. Je suis sûre et certaine, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pour vrai? Parce que honnêtement, je meurs d'envie d'y goûter. Génial. T'as même pas idée. Peut-être que t'as déjà vu les Double Dutch hors d'œuvre épais ondulés. C'est comme ça qu'ils appellent leurs chips de luxe. Eux, c'est pas des chips, c'est des hors d'œuvre épais ondulés. C'est super fendant. Mais regarde le sac. Déjà, c'est un sac, juste le matériau dans lequel est fait le sac est fendant. C'est un peu comme les Miss Vickies. Oui, c'est très épais. C'est épais en tous sens, je pense. Ouais. C'est vraiment épais. On voit sur le devant du sac une famille ou des amis quelconques, tous très uniformément blancs, pour pas, absolument pas avoir l'air de varier les choses. La saveur varie, par contre. Ils ont calmar et tzatziki. Ils ont plein d'autres sortes aussi, un petit peu moins genre sophistiquées que d'autres. Mm-hmm. T'as des petites affaires... au fromage. C'est des affaires un petit peu plus de base. Plus de base, mais ils sont toujours très, très épaisses et avec des ingrédients qui ont l'air plus sophistiqués. Ce ne sera pas fromage, ça va être le nom d'un fromage. C'est quelque chose qui a l'air un petit peu plus avancé. Oui, Reggiano. C'est ça, et poivron, frits, avec un sel de mer. Pas juste salé, là, sel de mer. Tout le temps des noms très, très fancy, mais celle-ci, cette saveur-là est originale en tout sens. Tu ne retrouveras jamais de calmar et de tzatziki dans une culture. Donc, c'est des, comme je disais, croustilles très épaisses qui se dit en fusionnant les croustilles ondulées de coupe épaisse, croquantes au maximum, au savoureux goût de calmar et de tzatziki, nous avons créé les croustilles hors d'œuvre ultime pour satisfaire votre prochaine attaque fringale. La fusion ultime de saveurs et de croustilles croquantes. C'est de la compagnie Old Dutch, même si ça dit Double Dutch à l'avant. Double Dutch est leur ligne premium. C'est Old Dutch quand même, foods.ca, olddutchfoods.ca. Côté valeur nutritive... Veut savoir? Non. Pour environ 17 croustilles, on retrouve 240 calories. Ce qui est la norme. La norme pour des chips, mais même si elles sont plus épaisses. Donc, ingrédients, pommes de terre, huile végétale, substances laitières modifiées, sucre, sel, ail et autres. Il y a de la crème sur là-dedans et un paquet d'autres affaires. Donc, on va évidemment ouvrir le sac du côté du micro magique. Il nous reste environ 3-4 minutes. Donc première étape. On enlève le prix. Je m'excuse, j'ai justement dit ça tantôt. Pas de prix. Prends tout le temps que tu veux pour enlever le prix. Si c'est pour te faire rester saine d'esprit. Ouais. Donc, le micro magique nous attend pour écouter l'ouverture de ce sac de Double Dutch. Ça sonnait caverneux. Oh, ça n'est pas trop proche. Est-ce que ça sent le calmar? Est-ce que ça sent... Je sais pas. Je pense que je me suis brûlé les narines. Il n'y a plus de poils dans tes narines du tout. Il va falloir que tu mettes du chapstick parce que t'es coupé le bord de la narine. Est-ce que c'est vinaigré? Je sais pas. Prends une grosse puff sauvage. Tu vas voir. Je pense que ça tue. Ça décongestionne. C'est bizarre un peu parce que ça sent en effet un petit peu vinaigré ou quelque chose comme ça. Ça me semble. En tout cas, sont épais, bien ondulés. Il y a des petits grains verdâtres dessus, des assaisonnements de tzatziki, j'imagine. Ben, on dirait, quand tu les regardes, je dirais que ça ressemble à un look de crème sur oignon. T'as l'impression que ça va être des crèmes sur oignon. Ça sent un peu ça. Un petit peu, mais on sent le fruit de mer. On sent la panure, je dirais, d'un fruit de mer, non? Ah ouais? Je trouve. Je sais pas, je trouve que ça sent l'huile, puis le sel, puis le vinaigre. Parfait. On va le voir se le mettre dans la bouche tout de suite, donc allons-y. Parfait, attention. Go. J'ai jamais goûté à ça, c'est super bon. Je trouve ça totalement perturbant. J'ai l'impression d'être au Japon. Quoi? Non, mais les Japonais ont des sortes de chips vraiment bizarres, puis tout a un fruit de mer dedans, on dirait. C'est vrai. Ça me fait penser à des sushis. On dirait que je mange une sorte de sushi qui aurait des calmars dedans. On dirait qu'il y a même un petit peu de sauce à sushi, on dirait le sauce soya quasiment, on dirait dedans. Je sais pas si c'est peut-être juste moi qui fais une image, parce que j'associe des calmars avec ça, mais... Non, non, ça goûte pas du tout. Mais honnêtement... une sensation de sushi dans la bouche, ça. Je trouve pas que ça goûte la tzatziki, je trouve pas vraiment que ça goûte les calmars, mais c'est bon. C'est ça l'important, et c'est vraiment très, très, très, très, très, très bon, je trouve. C'est totalement différent de tout ce que j'ai mangé avant. Oui. La texture est agréable aussi. Chose, ça a légèrement la texture. Je sais pas si tu connais les croustilles de crevettes qu'ils vendent, par exemple, dans les restaurants asiatiques. Oui. Non, c'est des croustilles très, très poreuses qui vont fondre sur la langue. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Je trouve que ça c'est légèrement fondant. Ouais. Ça me fait penser aussi à des petites... des affaires de riz, un petit peu, on dirait. Mm-hmm. Croustilles de riz à saveur de calmar. Non, c'est parfait, je trouve. C'est très bon. Très, très bon. On va finir le sac tantôt, je pense. On se bourre le corps de mort en attendant la prochaine extase qui nous remplisse les pores de cuisses, d'étincelles et de belles phrases. On pisse sur vos sentiers battus quand le noir de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh! Oh! Wow! C'est la bouffe de la semaine! Mais hein, Steph, c'est la bonne personne. Et Steph, tu ne perdras jamais le titre de dictatrice en chef. Non, je serai toujours une dictatrice. Toujours, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que je vais faire dans la vie. Peu importe. Je resterai dictatrice. Je tiens à être folle. De toute façon, c'est qui décide ces affaires-là? C'est mais toi. C'est moi, je suis la dictatrice. Donc, c'est la bouffe de la semaine, Steph. Ben oui, aujourd'hui, je te présente. Écoute, ça se boit, premièrement. Oui. Il y a des verres. J'ai essayé de t'induire en erreur en disant que ça allait être mou, mais c'est liquide. Il y a aussi des bouteilles de liquide devant, donc ça, c'est un bon indice aussi. Il y a ça, il y a ça. Écoute, aujourd'hui, on va goûter ensemble. C'est la marque, en fait, c'est Rice Kombucha. Okay. Je sais pas si t'as déjà vu ces bouteilles-là. C'est des petites bouteilles en verre transparentes, donc on voit le liquide à l'intérieur. Et là, premièrement, on se demande, c'est quoi ça du kombucha? Ouais, et t'aurais pu me demander, est-ce que t'en as déjà kombucha? Déjà? Kombucha? Déjà? Est-ce que t'en as kombucha? T'as compris? Fait que t'en as-tu déjà bu? Comme, tu dis pas dans le bonheur, là, ça marche pas. Et en fait, bon, je suis allée voir c'est quoi du kombucha. En fait, je suis allée voir après l'avoir acheté. Puis là, je trouve ça bizarre, OK? Donc, c'est la kombucha. Oh. Qui est littéralement algue de thé. C'est une boisson acidulée d'origine mongole, obtenue par le biais d'une culture symbiotique de bactéries de levure dans un milieu sucré. Donc, thé ou tisane, plus sucre blanc ou miel. Il est traditionnellement préparé en Russie et en Chine avec du thé vert ou du thé noir sucré. Donc là, supposément qu'il y aurait des vertus... incroyable à ça pour combattre toutes sortes de maladies. Supposément que ça combattrait même le cancer. Wow. Donc, supposément que c'est vraiment excellent. Donc, en fait, c'est des bactéries qui restent là parce que c'est pas pasteurisé. Donc, comment je te dirais bien ça? Oui, le thé kombucha réalisé à partir de la fermentation du thé noir ou de thé vert et de sucre avec une culture de levure et de bactéries connu sous le nom de champignon kombucha, qui n'est pas exactement un champignon, mais qui est dénommé ainsi à cause de la forme, de la couleur, de la structure qui se forme au-dessus de la culture lors de la fermentation. Donc ça, c'est fermenté. Fait que là, Dash, j'étais comme « Ah, oh, c'est un peu bizarre ». On dit que si c'est pas bien préparé, ok, ça peut vraiment entraîner des effets indésirables. Ça peut même être toxique. Donc là, j'ai comme, ok. Donc, on voit quelques cas de toxicité et d'effets secondaires qui ont été rapportés comme ayant peut-être un lien avec l'ingestion de kombucha acheté dans un magasin. Donc là, il y a plein de références. On sait pas c'est quoi exactement les magasins. Il y aurait eu de la toxicité gastro-intestinale et allergie. Acidose lactique sévère, dont un cas de décès qui pourrait être lié à l'ingestion de kombucha. Hey, j'ai hâte d'écouter. Hein. Et un cas probable de myopathie inflammatoire associée à une pleurésie et une tamponnade. Je sais même pas c'est quoi. Et du fait de son acidité, la kombucha peut contenir des métaux lourds de son milieu de stockage. Wow! Est-ce que tu peux regarder si c'est marqué genre à saveur de kombucha à place de kombucha? Non, c'est vraiment ça. Parce que c'est un thé vivant pétillant. Parce que ça... Mais... Mais écoute, il y aurait vraiment des effets thérapeutiques qui sont supposés par l'humain. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Mais on dit que ça peut être bon dans les cas de calvitie, d'insomnie, de troubles digestifs, d'arthrite, syndrome de fatigue chronique, sclérose en plaques et cancer. Donc là, c'est vendu. J'ai acheté ça au marché végétarien. Okay. Donc je me dis, Colin, ça peut pas être si pire que ça. Je peux pas croire que je vais m'empoisonner avec un produit contrôlé aux végétariens. Donc j'ai acheté deux saveurs. Hey, c'est quand même dispendieux. C'est 4$ la bouteille. J'en ai acheté deux parce que je voulais goûter. Ça m'a quand même coûté 8$ pour ouais. deux bouteilles. On s'entend? Et c'est 355 millilitres. Donc, on va regarder ça un peu. Le logo est très beau. C'est juste comme des petites bulles roses. C'est très mignon. Une grosse bulle avec des petites bulles autour, on dirait comme peut-être un soleil aussi. C'est marqué, c'est Rise de nom, donc peut-être comme le soleil. C'est Rise Kombucha, oui. Ouais. Ça pourrait même, à la limite, ressembler au logo de Radio-Canada. Oui, c'est vrai, mais avec des ronds à place des autres formes. C'est ça. Donc, c'est un thé vivant pétillant. J'ai apporté deux saveurs. Donc, j'ai apporté, c'est un fait avec du thé blanc au gingembre. Et j'ai aussi apporté fait avec du thé noir bleuet et érable. Bien, non. Donc ça, j'ai pris pour toi. Donc, c'est cru et biologique. Ça dit que ça détoxifie. Donc ça, on sait que c'est faux. Là, le corps n'a pas besoin d'être détoxifié. Il fait ça tout seul. Améliore la digestion, antioxydants, électrolytes, supporte le système immunitaire. Et les ingrédients là-dedans, c'est tout simple. C'est de l'eau filtrée, de la culture de kombucha, du sucre de canne équitable, du thé blanc équitable et du gingembre. Donc, ça doit être quand même ressemblant à l'autre bouteille. Donc, ça doit être... On va aller voir ça. Donc, eau filtrée, culture de kombucha, sucre de canne équitable, thé noir équitable et tisane à l'érable au bleuet. Donc, c'est tout simple. Et je vais te lire un peu la description derrière. Ça nous dit « Rise, s'élever pour construire un avenir plus sain ». Donc là, ils se prennent pas pour des deux de pique. Hein? « Fruit de 7 années de recherche et de patiente élaboration artisanale, la formule revitalisante de Rise Kombucha est minutieusement brassée pour aiguiser vos sens. Ce thé fermenté, issu d'une tradition millénaire, stimule l'énergie vitale, élimine les toxines et favorise une digestion équilibrée. Dès la première gorgée, un monde meilleur se dessine en vous. » Donc, ouvrir avec précaution, parce que c'est gazéifié naturellement. Donc, c'est la fermentation de la kombucha qui fait que c'est pétillant. Et garder réfrigéré en tout temps. Sauf quand c'est dans ta sacoche, ouais. Mais c'est encore très frais. Donc là, moi, ce qui me perturbe, c'est que c'est pétillant, mais il y a des résidus dégueulasses dans le fond. Ah oui! Donc, je sais pas comment faut mélanger ça. Donc, je vais essayer de faire ça quand même. Ah, c'est bon, tu fais des petits mouvements de va-et-vient en circulaire. Ouais, on va tourner. Faudrait faire l'autre aussi. Ça te tente pas? Oui. Ouais, mais tourne, ça me tente pas que ça pète. Là. Ouais, non, j'y vais en tourne. Mais tu vas donner des petites claques sur le côté, ça, quand même. Ben, je sais pas. Mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, on veut brasser, mais pas trop parce que c'est pétillant quand même. Là. Mais donc, ça s'en va pas pantoute. Ah, je pense que t'as pas le tour, donne-moi ça. Peut-être. Je suis meilleur à faire des mouvements de va-et-vient que ben, toi. Ben, je vois bien ça. On le sait tous. Donc. Ben même s'il en restait un petit peu dans le fond, au pire, on va être moins intoxiqué. Ben, c'est ça. Donc, on va commencer avec le gingembre. Parfait. Je vais approcher le micro magique. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Il y a un petit papier autour. Autour de quoi? Ah, du truc. Ah, un gars dans le micro. OK. Le micro magique n'a pas servi depuis le début du mois de juillet. Il est rouillé. Oui. Attends, ça va. OK. T'as réussi à l'enlever. Je vais tapoter. Ouh. En passant. Il y a 24 calories pour 177 millilitres. Je prends ça en note. On entend les bulles. T'entends-tu le pétillant? Oui. C'est plaisant, ça. C'est pas le même genre de bulle que de boisson gazeuse, t'sais. Non. Celui-là, il est relaxant. Oui. J'écouterai ça pour m'endormir le soir. OK. Donc, on a ouvert la bouteille, c'est bon? Donc oui, comme je disais, il y a 24 calories pour 177 millilitres, donc c'est à peu près la moitié de la bouteille. Écoute, il y a juste 6 grammes de glucides, puis le reste, il n'y a rien. Non, rien du tout. Écoute, l'odeur, là, ça sent le gingembre, parce que c'est au gingembre. Je serais pas tant gingembre, j'espère qu'il y a d'autres choses. Mais je sais pas, il y a une petite odeur bizarre que je suis pas certaine. Donc, je vais t'en verser dans un verre qu'on appelle. Merci, c'est bien d'avoir un verre. Et je te transmets ça dans le couloir magique. Bien sûr, oui. Oui, lui aussi a le droit d'être magique. Il a fait une plainte, il a fait un grief contre... Oui, oh, il s'est trouvé ça plat. Fait qu'on dise qu'il est magique aussi. Donc, on va goûter à, ça. Toi, c'est la même la bouteille. Mais je trouve que ça sent un peu vinaigré. Hi, ça sent, oui, on dirait un diluant, je sais pas ça quoi. Ça goûte, ça sent le gingembre puis le vinaigre. Donc, on va goûter à ça. Ça sent vraiment mauvais. Puis on s'en repart. Allons-y. C'est que l'odeur, ma cœur. Ah, c'est gingembre. Ah! Hein? C'est. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Ah, ça me rappelle vraiment beaucoup, là. Tu me diras que j'ai comme mentor parce que j'ai habituellement tort. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser à la sauce soya gingembre sushi, genre, on dirait. On dirait que c'est asiatique, genre. Ben, l'idée derrière ça, c'est asiatique. On est habitué de manger le gingembre avec de la bouffe asiatique. Ça va ensemble. Mais pour vrai, là, ça goûte vinaigré. J'ai l'impression de boire un peu du vinaigre de cidre assaisonné avec du gingembre en moins puissant quand même. Mais c'est assez puissant. Ça te tente-tu qu'on essaye l'autre? Ça, oui. Bleuet et érable? S'il te plaît. C'était quoi l'autre saveur, excuse-moi? Gingembre. Et quoi? C'était pas le gingembre et autre chose? Ben, c'est du thé blanc. Là, c'était noir. Ah, ben c'est ça, okay, je pensais qu'il y avait un fruit avec là. Bleuet et érable. Non, c'est juste gingembre. C'est ça. C'est... Je vais ouvrir l'autre dans le micro magique. Ah oui, excuse. Ouais, parce que ça va sonner tellement différent. Ah, il y a une note plus aiguë, non? C'est vrai, lui, il est en si bémol. Wow. Je vais t'en verser dans un verre. Oui, t'as pas... oui, c'est bon ça. Mettons que... Il va fort, notre micro, il va... On peut vraiment l'entendre. Les mouches du studio! On dirait qu'on vient de déménager et qu'on n'a pas placé les meubles. C'est vrai que ça sonne de même. Merci. Donc, l'odeur, ça pue. Mais moins, puis vraiment, on sent l'érable. Il y a un fond, je le sens, l'érable. Je sais pas. J'ai encore l'impression que ça sent le vinaigre. Beaucoup moins que l'autre, là, mais... Ouais. Je vais sûrement encore faire une association de marde, sûrement, genre, hey, ça goûte pareil comme un déjeuner à cabane à sucre parce qu'il y a de l'érable dedans. Je fais tout le temps ça, je le sais, mais c'est ça que ça me rappelle, pareil. On va goûter à ça, moi. Ouais. C'est vraiment piquant en gorge, hein. C'est moins pire, ça, là, par exemple. Pas mal moins pire, ça se boit. Mais dire que c'est bon? Non. Non? C'est trop vinaigreux pour moi. Oui, c'est... Ouais. c'est... Mais ça paraît que c'est fermenté. Ouais. Ça... C'est dégueulasse, hein? Bon, on apprend ce qu'on aime pas en faisant ce qu'on éclate, hein? J'étais un peu déçu. Ça avait l'air bon, puis ça coûte cher. Quand tu m'as amené des bouteilles en studio, je me suis dit, Steph, je vais... Parce que je me suis amené deux trucs pour le malbouffe de la semaine, tantôt. Je me suis dit, je vais passer à celui qui se mange. Mais je pense qu'on devrait peut-être y aller avec celui qui se boit en premier pour se nettoyer le palais. Malgré que moi, celui-là, bleu et érable, il passe bien. OK, fait qu'on va pouvoir le finir. Est-ce que tu veux quand même qu'on boive quelque chose? Parce que moi aussi, j'ai quelque chose à boire. Ah, bon, on peut. Je sais pas, je me dis que... On a 6 minutes. Ouais, c'est ça, on va faire ça vite. Là. Mais je me demande si on goûte les deux, est-ce qu'on en garde pour plus tard? Je me demande si ça va être trop compliqué de faire les deux. J'en ai deux ça va tu choisir? J'ai, ah! Hein? Bon. C'est quoi? C'est de l'eau Karma, Wellness Water Vitality, celui-là, pour, ça dit, saine hydratation. C'est la saveur ananas et coco. Donc, ça s'appelle en français Karma au bien-être vitalité. L'autre est pour accélérateur de bonne forme. C'est à savoir de framboise, goyave et fruits de jacquier. Déjà? Je ne connais pas le jacquier. Mais au pire, toi, tu goûtes une saveur, moi, je goûte l'autre. On en parle? On en parle. Mais moi, oui, ananas coco. C'est ce que je pensais. Ah, que oui. Le bouchon est. Oh! T'as la petite saveur dans le bouchon? Ben, voyons donc, toi. T'as pas remarqué? Ben, j'ai pas. Non, c'est ça. J'ai vu que ça avait l'air cool, mais j'ai pas vu. Qu'il y avait de la petite poudre à mélanger, dans le fond, c'est bien oh ça. Oh mon Dieu, ben là, c'est compliqué. OK, t'as peu. On n'a pas le temps de faire ça. T'as peu. Retirer, pousser, agiter. OK, il faut enlever la petite languette sur le dessus. OK. Ah, c'est donc bien compliqué. On fait pas de dégâts que ça. Ah là, pousser. Ah non! OK, faut que tu pousses sur le dessus. T'as comme un petit piton, puis ça va te défoncer le... Je sais pas. J'ai vraiment envie de te laisser faire de ton côté, de préparer mes affaires pendant ce temps-là. Mais je comprends pas. Là, je pousse, mais faut-tu que je dévisse? Pousse, shake. Non, hein? Je comprends pas, monsieur! Ben oui. Ah, mais hein? Oui! Oui, regarde! Ah, oh, tu pousses de même, puis regarde, ça dompe la saveur! Hein? Ça dompe graine par graine! Pis c'est ce qu'on veut, tout mais le temps. Mais c'est parce que c'est vraiment long, hein? Tu devrais peut-être parler de ton autre bouffe le temps que j'assaisonne ben, ma boisson. Ben, okay. C'est vraiment long! Je pensais pas avoir amené quelque chose de compliqué de même! Mais c'est parce que c'est de l'exercice, là. J'ai déjà mal aux doigts. OK, fait qu'en dedans de 5 minutes, on va tout faire le reste. C'est vraiment stupide, là. J'avais vu ça en épicerie, puis je m'étais dit, il me semble que ça a l'air bon. D'habitude, j'aime pas les Shreddies, mais c'est les nouveaux déjeuners pour ce matin de Shreddies. Ah, c'est une grosse boîte en plus. Pas pire, hein. Donc, j'ai choisi la saveur mélange chocolat et noix. C'est des Shreddies au miel, granola, arachide grillée au miel, amandes et morceaux de chocolat. On dit que c'est la collation au mélange parfait d'ingrédients nutritifs que vous recherchez entre le déjeuner et le midi. La boîte que j'ai achetée contient 5 sachets collation de 225 grammes en tout, donc 5 fois 45 grammes. Vous avez une petite fringale, nous demande-t-il. Elle n'a pas encore fini, Stéphane, de faire domper sa poudre. Ah non, c'est vraiment long, là, j'ai mal aux doigts. C'est peut-être pour ça que c'est bon pour la santé, c'est bien d'être, parce que tu vas te faire des muscles avec. Un petit coup à combler en milieu de matinée, la collation au mélange parfait pause matin de Shreddies. C'est un délice nutritif entre le repas du matin et celui du midi. Nous commençons avec les bienfaits des céréales Shreddies au bilé entier à 100%, puis nous ajoutons un mélange de noix, de granola et même des morceaux de chocolat pour une texture et un goût vraiment délicieux. Offert en format pratique de sachet collation est parfait pour les gens qui bougent comme vous. Bon. Donc. Et bonne qui bouge comme vous. Mon affaire de coco, là, mon karma, je t'arrête de me dire que, admettons que t'aimes ça pas trop goûteux, tu peux choisir la quantité que tu veux. Ah oui. Sauf que toutes les graines qui restent dans le fond, j'ai l'impression qu'on peut pas toutes les mettre parce que. C'est un peu bizarre, je trouve. Ouais, fait que là, je vais shaker. OK, parfait. Fait qu'on fait vraiment deux bouffes en même temps. Donc, les produits de Post, c'est les Shreddies Post matin. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre de plus que ça. Par pochette, par sachet, c'est 200 calories. Donc, on va ouvrir la boîte. Je vais le faire de mon côté parce que, quand même, on a juste un micro magique. On va pas trop y en demander. Hey, en brassant, là, le liquide a remonté en haut puis la petite poudre qui restait, Elle l'a toute pognée en pain. Ah ben, fait que là, elle peut plus descendre. Fait que là, elle peut plus descendre. Eh ben. Mais c'est correct. Je pense qu'il y en a assez. Moi, j'ouvre la boîte de chevalise de mon côté. Moi, j'ouvre la boîte, ça. Attention, je vais t'ouvrir ton micro. OK. Tu m'as enterré. Pourtant, le tien est tellement plus fort. Check, on dirait comme un sphincter. Le... Où est-ce que la petite poudre sortait? Là? Franchement, c'était tellement immature. OK, moi, il me reste à... moi, j'avais ouvert la boîte, il me reste à ouvrir le petit sac. Okay? Ah, ben oui. Ah oui? Ah, t'es faible. Oh. Toi, tu te gosses. Donc, il est supposé avoir des morceaux de chocolat dedans. Oh, ça sent le pina colada de mon bord. Génial, génial. OK, moi, je m'en verse dans la main un petit peu pour pouvoir t'en donner après. Ah, oh, OK, c'est des... Oh, je pensais que c'était des barres. Mais c'est comme des grignotines. C'est un petit sac avec des chevelises au miel, du chocolat et des trucs comme ça. Je vais me mettre dans la bouche, OK? Moi aussi, je vais en gorger. OK. Après ça, on s'échappe. C'est dégueulasse. Moi, ça goûte ce que ça devrait goûter. Écoute, moi, de toute façon, j'aime pas les eaux aromatisées. Puis là, ça goûte vraiment les... des... Je sais pas, ça goûte le régime. Ça goûte vraiment le dilué. Ta bouteille, il n'y a même pas de bouchon pour boire facilement. Faut que tu dévisses le bouchon qui vient dessus. Puis, ouais. Bizarre. C'est bon, hein, les chelises? J'ai pas pogné de chocolat, mais c'est vraiment bon. Moi, j'aime bien l'eau, quand même. Malgré ma face, là, mais tu sais, parce que ça goûte un petit peu le fade, ça goûte faible, mais j'aime ça. C'est assez sucré pour moi. Tu devrais carrément t'acheter du jus, puis diluer avec un peu d'eau. Attends. Avec un peu d'eau pétillante, ça te fait une liqueur maison. Santé. C'est une bonne idée. Ce que je fais présentement, c'est les petits trucs, tu sais, d'eau, les petits contenants là, à squeezer dans l'eau. Là. J'en prends souvent ça, puis il y en a un autre coco, puis c'est super bon. Mais moi, j'aime pas ça, ça goûte le Splenda. Tu trouves? Ça dépend des sortes. Bref. Pas capable. Voilà, je pense que c'est assez pour la malbouffe de la semaine, n'est-ce pas? Ouais. On a même pas joué l'intro, rien. De la malbouffe de la semaine, je pense. On n'a pas le temps. En tout cas, les Shreddies, c'est bon. On vient d'entendre la bouffe de la semaine, évidemment, parce qu'on est dans le spécial déjeuner au lit avec assemblage requis. Donc, on reste à l'écoute. Toujours au déjeuner au lit avec assemblage requis. La bouffe de la semaine. Présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Fois 2 bis. Bon, moins fort que l'autre d'avant, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait aujourd'hui. C'est pas grave, ça. On est toujours dedans, on est toujours dans l'entrain. Ouais, ouais. C'est toujours la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Oui, on continue avec la petite thématique fruits exotiques. Le deuxième fruit que je vous amène aujourd'hui, c'est la poire cactus. Moi, je suis comme déçue parce qu'à l'épicerie, ça dit poire cactus. Tu cherches sur Internet. Le collègue s'est enlevé tout seul, t'as même pas eu à l'enlever. Je veux pour rien faire, il a revolé. Et en recherchant sur Internet, c'est pas... ça s'appelle... Ben, en fait, Il appelle pas ça poire cactus, c'est une figue de barbarie. Mais c'est beaucoup plus catchy, là, une poire cactus, là, parce que ça a comme l'apparence épineuse un peu. Là. Non? Ben oui, mais justement, c'est comme le nom facile pour les néophytes. Non, les losers. Moi, c'est comme un fruit du dragon, j'appelle pas ça un fruit du dragon. C'est un pitaya ou un pitaya. C'était ça le premier fruit exotique que nous avions fait goûter en studio, non? Oui, j'avais apporté ça. C'est ce qui m'a redonné l'idée de ramener des fruits exotiques pour toi, c'est moi qui t'as dit ça. Mais ça, c'était bon. Oui. C'est pas le truc pas bon qu'on avait mangé qui goûtait le plamplemousse, là. Le plamplemousse. Donc oui, la figue de Barbarie, c'est une baie charnue produite par le figuier de Barbarie, originaire du Mexique. On dirait un rapper. Figuier de Barbarie. Non, comment? Yo. La figue de Barbarie est un fruit uniloculaire à nombreuses graines, donc polyspermique. Et c'est écrit ça. Dont le poids peut varier de 50 à 400 grammes. Elle dérive de l'ovaire infère adhérent au réceptacle floral. Bref, ça pousse sur un cactus ça pousse vraiment sur un cactus. Non, ah. Même. Pac! Sur le côté, à l'horizontale, parce que là, ça ressemble à quasiment... Non, non, je te dis, c'est vraiment, t'as le cactus, puis pac à l'horizontale. On dirait un ballon de football, tiens. Voilà. Ben, en fait, c'est ça, ça dit que la forme, en fait, t'as plusieurs couleurs, ça peut être rouge, jaune, blanc, et la forme est également variable, mais ça varie, oui, selon les variétés, mais pas juste selon ça, ça varie aussi selon l'époque de formation. Mm-hmm. Donc, les premières de la saison vont être plus arrondies et les plus tardives ont une forme de pédoncule plus allongée. Donc, on a clairement ici un fruit tardif. Ben, une tête de Stewie, si on... Ou de... Comment il s'appelait, donc? Le petit... Arnold! Hé, hey, Arnold! Oui, c'est vrai! Hein? C'était le premier à avoir une tête en ballon de football. Tout à fait. Donc, oui, si tu le regardes à l'horizontale, mais moi, j'aime bien le mettre debout. C'est beau. C'est beau. Oui, c'est très joli. Ça a l'air d'un mini cactus. Mm-hmm. Le fruit que j'ai dans mes mains présentement est un mélange de vert et de rouge. On dirait une pomme pommeuse. Oui. C'est quand même relativement petit. Ça rentre dans la paume de ta main. Mais c'est plus gros que le fruit de la passion, ouais. Quand même. Mais c'est un petit fruit. Hein, c'est mignon. Il y a plein de petits... c'est un format pour apporter. Il y a semi-piquant dessus, ouais. Mais ils sont pas ressortis vraiment. C'est juste des petites bosses. Ah. Parce qu'il y a des fruits avec vraiment des piquants dessus. J'ai hésité, je voulais apporter ça. Ananas, quelque chose d'exotique comme ça. Non, mais c'était trop cher. Ah, okay. C'est vraiment 5$ le fruit, alors que la poire cactus, la fille de Barbarie, était seulement 69 cents. Ah. C'est vraiment pas cher, donc si c'est bon, c'est clair que je vais en racheter. À date, c'est ça, ça dépend des fois, hein? C'est pas toujours non, bon. Non, c'est ça. Et là, si je parle des valeurs nutritives, je regardais aussi pour une tasse, c'est 65 calories. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins calorique que le fruit de la passion. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme information? Il y a quand même beaucoup de potassium, plus que dans une pomme. Il y a 346 grammes de potassium dans une tasse, contrairement à 124 pour la pomme. Et sinon, rien de très... du calcium, 88 grammes de calcium, alors qu'il y en a seulement 7 dans une tasse de pomme. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. Est-ce que ça sent quelque chose? De l'extérieur. Non, ça sent rien quand c'est fermé, là. Ça sent rien, c'est plat. Moi, je serais déjà prête à la couper. Parfait, si on t'écoute. Pense. Bien sûr. On y va encore avec le couteau de céramique. Parfait pour tous vos meurtres. Est-ce que je le coupe à l'horizontale? Je sais pas. Je pense que oui, ça va être plus facile. C'est en diagonale. Oh my God! Regarde l'intérieur! On dirait une betterave! C'est vraiment fuchsia betterave style! Tu sais, quand je parlais de meurtre, ça pourrait ressembler à ça aussi. Je m'attendais tellement pas à ça! C'est beau! Merci beaucoup! Avoue que c'est beau! C'est très très beau! Oh, j'adore cette couleur-là! Je peinturerais ma chambre demain! Pas sûr, l'odeur, pas sûr non plus! Hein. Ça sent la betterave! C'est drôle, hein? Non, mais ça sent le fruit de terre. Je te dirais que ça sent pratiquement comme le pitaya. OK. On dirait qu'il y a une odeur en tête, mais je suis pas capable de le placer. Comme d'habitude. Ça sent le foin. OK. Mm-hmm. Ça sent comme le gazon fraîchement tondu. Ça sent dehors, c'est ça. Ça sent dehors lors de journées humides. T'es pas habitué. Non. C'est pour ça que t'es perturbé. C'est ça, ça me marque. Donc, la chair a l'air quand même moelleuse. Qu'est-ce que t'en penses? Bien d'accord, madame, je ne sais pas lancer. Je t'ai concentré. On s'est lancé une cuillère. Donc, je t'ai lancé une cuillère. Tu m'as lancé une cuillère. Mais en fait, tu as participé, tu l'as attrapé. Ça a l'air quand même... ça a l'air de la texture d'un melon. Puis on voit qu'il y a quand même des petites graines. Là. Des petites graines plus foncées, un genre de mauve foncé. Hein. Oui, c'est encore plus foncé. Et ça nous dit que dans les graines, dans un fruit de 160 grammes, on peut en trouver jusqu'à 300. Okay. Et savais-tu que... l'huile de figue de Barbarie est considérée comme l'une des huiles les plus chères du monde. Et oui, c'est tout. C'est cool. T'as vu que comment dire? Et c'est plein de vitamine E. Oh! Je te dis ça de même. C'est important. Mais que sa peau a l'air d'avoir pris la couleur de l'intérieur du fruit un petit c'est peu vrai, quand même. C'est vrai, hein? Ça a déteint vraiment comme une betterave. C'est en train de sortir. Ah, c'est... Ça veut dire que tu tasses tes jambes quand tu manges entre tes jambes pour pas t'en mettre ses pantalons. OK, ça. J'étais comme tu tasses tes jambes pour manger entre les jambes. Donc, on va goûter aux fruits. Est-ce qu'on peut gratter ou est-ce qu'il faut y aller jusqu'au fond? Mais la cuillère rentre difficilement dedans parce que c'est vraiment plein de graines. C'est pas évident. Ah, tu as déjà goûté? Excuse-moi. Oh mon Dieu, t'es sauvage. Je savais pas. Arc. C'est pâteux et ça n'a pas de goût. Arc. Hein? C'est pâté, pas de goût. Mais ouais. Arc. C'est vraiment dur. Comme tu dis, de planter dedans, là, c'est vraiment difficile. On dirait, tu sais, les vieux melons d'eau, c'est comme égraineux. Il y a aussi des graines, mais c'est pas des bonnes graines. Les graines sont comme croquantes. Mais ils se croquent pas partout. Arc. Ben, je sais pas si c'est une question de est-ce qu'il est assez mûr ou pas assez mûr. C'est ça qui est difficile. Ben, je pense que oui, il est moelleux, ça. Non, c'est farineux, ouais. Ça goûte pas grand-chose. Moi, j'aime pas ça. Non, c'est farineux puis ça goûte pas grand-chose, en fait. C'est pas super bon. C'est même, je dirais, pas bon. Ça goûte rien, puis il y a plus de graines que de chair quand tu prends une bouchée. C'est ça. Puis c'est farineux. Non, ça passe pas le test. Je vais finir mon fruit de la passion le temps que C'est farineux, ouais. Et la sensation de farine reste dans la gorge après avoir avalé la bouchée. Je l'ai encore là. J'aimerais, moi, avoir une fin de fruit de la passion pour compenser. Mais non, toi, tu l'as tout mangé. Ben oui, mais c'était bon. Donc, ça, c'était le fruit figue de Barbarie. La figue de Barbarie. Figue de Barbarie. Oh mon Dieu, c'est plein de petites pattes dans le fruit de la passion. Ça me perturbe. Sinon connu sous le nom de... Poire cactus. Voilà. Toujours assemblage hockey, c'était la bouffe de la semaine. Il nous reste encore la malbouffe de la semaine à faire. Ouf, une chance. On va réussir à se remettre un bon goût dans la bouche après ça. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une autre pièce musicale. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous faire entendre une chanson des plus intéressantes. Tu veux faire des... tout le long, c'est bon. Ah, c'est sûr. Ça poigne au cœur. C'est bon. Mais moi aussi, j'aime la première bouchée de quelque chose de... Tu sais, qui vient te coincer dans les joues. Là. La première, c'est la meilleure. Mais c'est un surette sucré, là. C'est pas un surette dégueu, là. Mm-hmm. Exactement. On s'entendre de Stripes. You can't judge a book by the cover. Ça commence à être un classique. Ça a été sur les paparazzi tout l'été. On l'écoute à l'instant sur C'est fou, 85. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right by looking at the wrong. Judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. The cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a daughter by looking at her mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. La bouffe de la semaine. Non, non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui m'ont... Du chouïen. C'était pas prévu. C'était pas prévu, pardon. C'est la malbouffe de la semaine, le pendant un petit peu moins sain d'esprit que la bouffe de la semaine de Stéphanie. OK, pas sain... Pas Saint-Exupéry, bien sûr. C'est ça, l'auteur de... Le petit prince! Non, donc aujourd'hui, on y va côté sucré. Je dirais pas mal sucré dans la bouffe de la semaine. Okay. C'est deux choses qui vont très bien ensemble. Je trouve que même si je les accote un sur l'autre, on pourrait faire une belle photo. Ça ferait comme, wow, c'est un bon repas complet. Un Instagram avec les bordures faded noir, puis cette quête-là en noir et blanc, puis tu sais, avec un accent de doré. Non, noir et blanc, c'est pas super à mode dans les Instagrams. Faudrait dire à ceux qui font tout ça. En noir et blanc? Ça dépend. Pas pour la bouffe. Non. Tu peux pas voir la couleur. Exactement. Du poivron grillé. Tout et des édamames, mais... Je plains les aveugles quand ils mangent parce que ça va pas ce qu'ils regardent. Mais c'est vrai, tu manges avec les yeux aussi. Y a-t-il une mouche, on sait pas. Y a-t-il une mouche? Faut que tu souffles à chaque fois. Excuse. Ça me bouge en l'estomac. Yeah. Ouais. Donc, j'ai amené deux choses. Moi, je pense qu'on devrait aller avec la chose à manger en premier, mais après ça, on va pouvoir caler, sans penser. Ouais. Donc, surtout que tu l'as déjà annoncé. Ben, c'était une suggestion. On peut faire le contraire. Non, mais c'est ça que t'as dit. C'est manger. Moi, je peux. C'est une barre de chocolat. Pas, OK. Pas janvier. Pas février. Attends. Francis d'Octobre, la nouvelle barre de chocolat de la compagnie. Ah non, attends. Bruno. C'est Bruno Mars. C'est là, l'affaire. Non, c'est une barre Mars, mais au chocolat noir. Noir? C'est pas un nouveau produit en tant que tel, mais c'est un produit qu'on n'a pas goûté. Et ça, c'est la différence. La twist. C'est pas nécessairement nouveau. C'est pas parce que c'est nouveau qu'on va l'essayer en ondes. Parce qu'on n'est pas des putes. Hein, t'sais. Hein? C'est pas parce que vous annoncez un nouveau produit que Assemblage Requis va nécessairement faire la critique gratuitement. Hein? Ça se peut qu'on ait le goût juste d'y goûter à la maison. C'est ça. Mais rarement. Dans le fond, c'est qu'en cachette, toi, tu manges des trucs santé chez vous, moi, des trucs pas santé. Mais on se rejoint au milieu. C'est parfait. Ça. Donc, c'est une barre Mars noire, 50 grammes par barre. On dit évidemment une barre friandise. Hein? Parce qu'il n'y a pas tant de chocolat, en fait, dans une Mars, là. Non, c'est ça. C'est caramélisé et nougat. On sait tous la composition moyenne d'une barre Mars. On dit 230 calories par portion. Une portion, on peut s'attendre à ce que ce soit la barre au complet. Je vais juste vérifier. Pour une tablette de 50 grammes, 230 calories, c'est bien ça. Fouf! Une chance. Sinon, bon, c'est sûr que c'est un produit... en fait, non, ça me surprend. Ça dit, assurez-vous de lire l'étiquette de chaque produit. D'autres produits Mars fabriqués hors du Canada peuvent contenir des arachides, mais pas celle-là. Ah! Not this one, celle-là est dans une usine sans arachides. C'est bien ça. C'est très, très bien. Pour une bonne petite collation santé pour les enfants à l'école. Mon seul repas de la journée, peut-être le vôtre aussi, si vous allez vous en chercher une, parce qu'il y en a... Ah non, la cafétéria est fermée à 3 ans. Ouais, parce que c'est une barre de cafétéria. Donc, on a 9 grammes de lipides pour la barre au complet. 0,1 de gras trans, grammes. Cholestérol, 5 mg. Je sais pas lesquels l'est. Protéines, 2 grammes. 0% de vitamine A et C, quotidiennement parlant. Ah, c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler. 2% de calcium, 15% de fer. 26 grammes de sucre, c'est quand même pas mal. Oui. Donc, c'est pas mal tous les détails qu'il y a, sinon les ingrédients, les classiques. Chocolat noir... du sirop de maïs, comme dans tous les produits qui se respectent de nos jours, de prendre du sirop de maïs qui est pas une bonne chose. Du sirop de maïs, on en parle tout le temps. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, c'est exact. Ingrédients du lait et autres trucs comme ça. Donc je pense que. Et autres sortes de sucre, exactement. Poudre de cacao. Glaçage à gâteau, genre. Icing sugar. Icing sugar, c'est quoi? Non, c'est du sucre en poudre. Du sucre à glacer. Ok, parfait. Bon. Du glaçage à gâteau. Je sais tu. Tiens, je te le donne. Excuse-moi. T'es là pour me remettre sur le droit chemin, toujours. Quand t'es pas là, je dis rien pour être sûr de pas rien dire de comme. C'est pas vrai. Je dis des conneries puis je me juge moi-même. Moi, je sais, des fois, je t'écoute. C'est là, ça. Merci, Téphine. Donc, on écoute l'ouverture d'une barre Mars au chocolat noir tout de suite dans le micro magique. Traditionnel. Pardon, traditionnel comme toutes les barres de chocolat. Oui. Bon, oui, mais en fait, elles s'ouvrent très bien, je trouve. Oui. Est-ce que c'est celle comme les caramels que tu dois genre tirer sur deux triangles pour l'ouvrir ou tu l'as vraiment à la traditionnelle ouvert par les fentes du dessus en zigzag, exactement. Par les fentes. Donc, tu vas la couper avec ton couteau de céramique parfait pour tout meurtre, comme tu as fait tantôt pour les fruits. Pourquoi pas? On va d'un le coup faire. Qu'elle saigne. Bon. On a plus entendu le choc sur la table. C'est ça. Donc, je t'envoie ta part. Ça sent vraiment chocolat plus foncé. Ça sent pas comme la Mars traditionnelle. Donc, on devrait s'attendre à vraiment un goût prononcé de chocolat noir si l'odeur varie. Je sais pas. Hein? Je sais pas s'ils se sont forcés. Oh, mais tu dis extrêmement foncé. Là. On parle vraiment d'un noir, d'un certain noir. T'sais. On parle, c'est pas un noir du Mexique ni du Brésil. Pas vraiment d'un noir genre du Congo. Là. C'est exact. Il est très, très foncé. Très foncé. On parle du chocolat. Il y a eu beaucoup de soleil. Exactement. Donc, on va goûter chacun à notre bouchée, chacun à notre côté. Ben non, on va goûter à la même. Regarde, je vais en prendre une bouchée, je vais te la recracher dans la bouche. Une question de précision. Ben oui, on va manger chacun notre morceau. Il faut être précis dans la vie, c'est important. Bon appétit. Bon appétit. C'est magnifique. Le caramel ressort. Mais on goûte vraiment la différence du chocolat. Vraiment. C'est à rien comparé. La Mars, normalement, a des... a pas juste du nougat et du caramel, tu me rappelles bien une barre Mars. Ben oui. Juste ça. T'en Mars, ça goûte le ciel. T'as raison, faut pas mélanger ce que j'ai tendance à faire entre Mars et Snickers. Étant donné la forme, j'ai tendance à les confondre. La Snickers a des noix, des arachides dedans. Moi, je suis vendu Mars. Snickers, en fait, j'ai goûté ça la première fois, je pense, avec toi. C'était pas des Snickers aux amandes qu'on avait goûté ici? Je pense que oui. C'est ça, c'était ma première expérience de Snickers à vie. Mars bat ça à pleine couture. Couture, de plate couture, à plate couture, à pleine couture, de plate. Le bas. Le bas. Mais, je sais pas, des fois, tu sais, c'est le fun quand t'as un goût de changement, mais quand j'ai le goût d'une Mars, on dirait que je serais portée à aller vers le traditionnel. Je trouve que oui, le goût est très fort, mais ça va peut-être un peu masquer le goût du nougat, je te dirais. C'est un bon point. C'est la texture du nougat qui reste au moins. Mais en effet, la saveur est masquée parce que c'est un chocolat. Ben, tu sais, j'ai dit qu'il sentait très foncé tantôt. On a dit. Mais il goûte pas si foncé que ça. Ça goûte pas comme le petit côté amer de chocolat noir vraiment très, très foncé dans les pourcentages les plus hauts. Hein. Mais je suis quand même étonnée. Je trouve que ça a quand même l'air d'un chocolat de qualité. Étrangement, c'est pas comme les chocolats, mettons, des Kisses, tu sais, que ça goûte pas le vrai chocolat. Il y a comme un genre de fake. Mais non, là. Mais des Kisses, je veux dire, c'est même pas de chocolat. Mais ça, c'est du vrai chocolat. Oui. Très agréable. Je suis agréablement surprise. C'est la Mars noire. N-O-I-R. En anglais. N-W-A-R. Et en anglais, c'est la Mars dark. On fait sûrement Mars dark. Ah. Elle est foncée, non pas noire en anglais. Intéressant. Mais on dit du chocolat noir, mais en anglais, on dit pas du... Black chocolate. Non. Et crime, tu vas te faire. Non. On dit du chocolat foncé. Oui. L'autre côté de cette malbouffe-là, on va les faire dos à dos parce qu'on commence à manquer de temps dans cette émission, mais c'est une boisson énergisante. On a parlé un petit peu de Jelly Bean, d'énergie tantôt. Ouais. On a parlé de chocolat en masse dans Sex, mais ça devrait répondre là. Ici, c'est de l'énergie au chocolat mocha. Parce que mocha, on s'entend... Ah, c'est au café! C'est au café. Café chocolat. Ça s'appelle Java Monster. Donc, c'est par Monster Energy. Vous reconnaissez le M sur la canette, oui, sur l'écran sûr, de radio, maison. Bien sûr. Oui. Donc, Java Monster Coffee plus Energy. Mais c'est à saveur de Mean Bean, nous dit-on. Il est temps de sortir des rangs pour être à la hauteur de ce qui s'annonce. Java Monster, un café crème de qualité supérieure infusé avec un arôme démoniaque, boosté avec le mélange énergétique Monster. L'or français est bizarre. Le café façon Monster grand ouvert avec une attitude sans aucun compromis et l'expérience et le savoir-faire pour l'assumer. Ils disent tellement n'importe quoi. Vraiment, mais il y a des gens qui sont payés cher pour ça. Par canette, c'est 220 calories. Par canette, est-ce que tu es certain que c'est pas la moitié? Non, c'est marqué par canette. Ah ouais? Il y a moins de calories dans ça que dans la barre de chocolat Mars qu'on vient de manger. Qu'il y en avait 230, c'est 220 calories par 444 ml qui est la canette au complet. C'est sucré avec du sucralose, malheureusement. J'espère qu'on le remarquera pas trop. J'ai tendance à être assez sensible du sucralose. Moi aussi. 5 grammes de lipides. 3 grammes de gras saturé. Vitamine A, 4%. C, 2%. 30% de calcium. Quand même, vitamine B6, 210%. C'est peut-être même nocif. Non, je ne sais pas trop tant de vitamine que ça. Peut-être. Teneur élevé en caféine. Donc, par canette, on compte 170 mg de caféine. Tu as 1876 mg de taurine. Oh! 376 de ginseng. C'est tellement écrit petit que je sais pas si c'est un... Je pense que c'est 9,4 mg de glucobonolactone, de guarana et d'inositol. Ah ben oui. Bien sûr, ben c'est des ingrédients qui sont communs dans les boissons d'énergie. Hein, truc oui, tous les produits là, naturels. Oui, oui, vraiment très naturels. Ça dit ne pas consommer plus d'une canette par jour. Une seule canette par jour. Ceux qui en prennent deux, trois pour réussir à étudier la nuit. Je suis désolée, une par jour, c'est déjà trop. Oui, tout à fait. Mais bon. Non recommandé pour les enfants, les femmes enceintes ou projetant, devenir enceinte ou qui allaitent toutes les personnes qui sont plus sensibles à la caféine. N'est pas conçu pour remplacer la consommation de nourriture ou de liquide. Ne pas combiner avec de l'alcool et conserver entre 16 et 30 degrés Celsius. Voilà pour les informations. 16 et 30? C'est précis quand même. Attends. Hein? Tu peux-tu leur dire ça? C'est. Non, tu peux pas leur dire, c'est moi qui l'ai dans les mains. C'est le côté là, ouais, écrit petit. Conserver entre 15 et 30. Ouais, mais si tu veux le boire froid, faut-tu le mettre au frigo? Oui. Un frigo, c'est 4 degrés Celsius. Et c'est dans les frigos à la cafétéria. Je sais pas, mais peut-être que la température recommandée n'est pas la même chose que la température toxique de la chose. Ah, tu vois. De quoi ça te tuera pas? Donc, je vais essuyer la bouche. Bien sûr. Et on va écouter l'ouverture d'une canette de Monster Energy Java Monster Café Mamimimimimim. Quelque chose du genre. Où on tape sur le côté, la bonne technique. Tu vois, c'est une professionnelle ici. J'ai appris. Appris du meilleur. Un son assez classique. Pour une canette, en effet. Magnifique. Donc, on va verser aussi. Ça fait pas beaucoup de bruit. Ça a pas l'air pétillant. Ça n'a pas l'air pétillant. Je pense pas que c'est fait pour être pétillant, en fait. Je pense que c'est supposé... Pourquoi c'est dans une canette? Ben, c'est ça qui est bizarre. C'est un genre de café crème qu'ils appellent. Donc, c'est une boisson un petit peu plus, comment dire, liquide et crémeuse. Voilà. OK, donc ça pourrait un peu faire penser aux produits Starbucks en vente dans les petites bouteilles en verre? Peut-être, un mais petit peu. Mais là, ça s'est boosté à la caféine vraiment exact. Beaucoup, c'est ça? On y va avec une gorgée, exactement. Tu as tout à fait raison. C'est fait pour ça et ça va goûter bon, j'en suis certain. Ça goûte le café froid très crémeux. C'est parfait. C'est bon. Je te dirais que j'ai goûté boisson énergisante, j'ai jamais goûté à quelque chose qui dépasse cette saveur-là. J'adore ça. Non, il y a un petit arrière-goût qui me dérange à la fin. Est-ce que tu goûtes à sucralose, le sucralose? Non. Non plus. Non plus. Ça, c'est étonnant, mais ils ont sûrement mis d'autres sucres dedans. Je peux pas croire que... Non, c'est louche. C'est louche un peu. C'est vraiment louche. Mais en tout cas, moi, j'aime ça tant qu'à boire de la boisson énergisante qui goûte tout le temps la même affaire. Peu importe la marque que t'achètes, ça goûte tout le temps le bleu. Hein, genre, non. Non? Tu trouves pas qu'il y a une saveur caractéristique à tout ce qui est boisson énergisante? Non, parce que ma favorite goûte pas ça. Elle goûte les jujubes. C'est laquelle? La gourou. Oh! Et c'est un produit canadien, voire québécois, si je me trompe sans pas. Sans blague. Mais en tout cas, c'est très bon. Ça goûte les jujubes. Génial. Donc, on essaie ça et on essaie donc ce produit qui est le Java Monster Coffee and Energy Mean Bean. La bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Ah oui, ah oui. Ah oui. Enfin. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide. Mais un peu rapide! Je m'en passe toujours bien la critique. Prends pas la critique! Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui m'ont. Débrouillé? Epic fail! You suck! Non, c'est pas vrai, t'es pas. Tu suck pas, là. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Hey boy, c'était un petit peu sexuel. Donc, Débrogise? Ouais, je trouve. Je sais pas comment ça se prononce. Brogies. C'est des brogies. Oh, c'est des brogies. Brogies. Donc, c'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis, la prédatrice en chef. Comme tu veux. Moi, j'ai envie de te donner un nouveau titre, la prédatrice en chef. Parfait. J'ai déjà eu aussi décoratrice en chef. Décoratrice en chef. Mais on sait que tu poursuis des bons produits et que tu leur sautes dessus. Des bons produits, on va voir ça. Écoute, c'est tout naturel. Hein, c'est écrit dessus. En fait, c'est all natural. En français, c'est écrit nature. Fait que okay. C'est des brogies ordinaires, finalement. C'est écrit frais préparé en magasin. On dirait que j'ai des doutes, là. Il y a un petit emballage. Je suis pas sûr que c'est fait au IGA. Dans quel magasin? C'est ça, ils disent pas, là. C'est ça, frais préparé en magasin en Colombie-Britannique, je sais pas. Peut-être qu'il y a un pays qui s'appelle Magazine. à... En magazine. En les magasinois et les magasineux. Et voilà. Mais dans le fond, écoute, je vais te décrire un peu c'est quoi. On dirait... C'est dur à dire. As-tu déjà mangé des chips de crevettes au chinois? Oui, et en effet, ça ressemble exactement à ça. On dirait des grandes chips de crevettes. 10 fois plus grandes, ouais. Ou juste des croustilles de riz qui sont un petit peu des courbées. Des petits pitas. Oui. Ça fait comme des petits mini-bols. Et ça dit... Écoute, il n'y a presque rien là-dessus. Ça dit 20 calories par broji. Okay. C'est très drôle. Comme c'est faible en sodium, pas de gras trans, sans additifs, sans agent de conservation. Ça reste frais pendant 4 semaines. Sans gras, sauté et non frit, et parfait avec des trempettes et tartinades. Wow. Quand tu dis sodium, on dirait que c'est comme tellement diem, sodium. C'est tellement sodium. That's sodium, yo, bro. OK, j'ai fini. Donc, lorsque nous avons commencé à faire du brojis, nous avons gardé en tête le type de collation que nos propres enfants aimeraient. Nous avons également voulu nous assurer qu'ils offraient le meilleur goût possible et les meilleures valeurs nutritives. Nous pensons que notre société, établie dans une petite ville canadienne, a atteint cet objectif et est restée proche de ses racines en nommant le produit d'après nos filles. Ah! Brojin et Brojin. Hein? OK, la première s'appelle B-R-O-G-H-E-N. OK. Puis la deuxième s'appelle B-R-O-G-Y-N. Donc, t'as le Brojin. Brojin puis Brojin. Brojin. Laquelle est laquelle, hein? C'est, ils ont fait des Brojis, OK? C'est pas des jumelles, j'imagine. Ah, ouais. Oh, c'est encore pire. Brojin et Brojin. Donc, si vous êtes un enfant de 8 ou 80 ans, profitez bien d'un Broji et n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez. Merci. Signé Ken et Terry. Hey, c'est plus qu'une collation, c'est une brolation. Le marketing est vraiment fort là-dessus, je trouve. Ils disent pour obtenir des recettes, expédiez un courriel à recipes@garavogue.ca. Mm-hmm. Et il y a des petites images de ce que tu peux faire avec ça. C'est très intéressant. C'est très polyvalent. Okay. Donc, dans la première, c'est rempli de tranches de tomates avec du fromage râpé. Du bromage. Oui. Dans la deuxième, il y a de la petite crème fouettée avec des bleuets et un petit coulis de chocolat. Non, il n'y a pas j'essaie de ne pas en mettre trop non plus, là. Dans la troisième, on a tout simplement un œuf miroir qui est dedans. Dans le troisième, c'est des framboises. Donc, tu peux vraiment le servir pas mal comme tu veux. Peux-tu faire des brochettes? Brochettes. Probablement, tu peux faire des brochettes. Si on regarde les ingrédients, écoute, c'est très, très simple. C'est du blé, du tapioca, du soya et du sel. Mm. Donc, ça a l'air de rien goûter. Non, vraiment, c'est sans saveur. C'est tout naturel, sans saveur. J'ai bien hâte de voir ça. Écoute, il y a seulement 20 calories là-dedans. Il y a, écoute, 0,02 grammes de gras. Il n'y a pas de cholestérol. Il n'y a presque pas de sodium. Il y a seulement 4 grammes de glucides. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de fibres. Et c'est transformé au Canada. Ah! Donc, voilà. Par magie. Donc, Ouais. Mais écoute, je me suis dit, au cas que ça goûte rien, j'ai acheté de la salsa Tostitos. Je me suis dit, cette fois-là, ça goûte rien, au moins, là, ça va goûter à salsa. Je me penche devant toi. J'ai pris la médium et c'est... Faut pas penser que c'est écrit Tostitos dessus que c'est pas bon pour la santé. Mais non. C'est super intéressant. Ben oui, c'est des légumes qu'il y a là-dedans. OK. Il y a juste 10 calories pour 2 cuillères à soupe. Donc, c'est quand même un bon choix. Vous pouvez en mettre partout de la salsa, là. Ben, Colin, c'est ce que je ferai, alors. Hein? Donc, j'ai amené ça au cas que ça s'aille pas bon. Des brostitos, comment ça fait? Donc, je vais vous ouvrir le sac, ça va être décevant, là. C'est juste une petite attache basique. Ouais, c'est un peu plate, mais on l'écoute quand même dans le Mi-Bro Magique. Excuse-moi, micro. Tu fais exprès pour faire du bruit. Parce qu'il y en a pas assez. Okay. Ouverture du sac. Odeur. Ça sent le plastique. Bon. Merci, Micro Magique. On a assez utilisé de toi. Usé de toi. Les brogies, donc. Donc, je te tais le sac. Prends-toi un bro. OK. Jeez. Thanks, bro. Oh, c'est du solide, t'as-tu? Hein? C'est pas du mou. Je pensais que ça allait être du mou. C'est craquant, là. Je pensais que c'était comme un pita mou. De loin, ça avait l'air de ça. Non, non, c'est comme des petits chippies. Oui. Des chippies. On dirait des funyuns, tu sais, les rondelles d'oignons, là, genre en sac. Là. Tu vois, c'est très bulleux, hein? Je suis sûr que ça fond sur la langue. Oui, sûrement aussi, ça ferait, je pense, un excellent... j'ai pas le cabine mot. Cabine de juif. Ben, c'est ça, mais moi... Attends, moi, attends. Non, non, attends, c'est quoi, donc? Moi. J'ai un blanc. Attends, je vais le trouver. Si je tape cabine... Cabine de juif. Attends. Dans le bon sens du terme. C'est une kippa. Une kippa. Bon, excusez. On dirait une kippa mangeable. Pas que vos kippas sont pas mangeables, on veut pas. Fait qu'on y goûte? Oui. Ben, ça sent rien. De quel bord s'il va? Convexe, concave? C'est une blague. Je vais y aller à l'inverse de toi, donc moi je vais y aller la bombure vers le haut. Okay. Vas-y, la bombure vers le bas. Tu décris l'odeur? Ben, ça sent rien. Rien, pardon. Un hostie, non. Ça. Ça sent pas rien. Ben là, c'est tellement... Oh, mais j'ai un peu le nez bouché, hein. Je pense que c'est ça. Mais ça sent, je te dirais... Avec quoi c'est fait? L'ingrédient principal? Du blé... Blé, tapioca, soya, sel. Ben, ça sent les chips nature, Tostitos, un petit peu, je trouve. Hein? Un petit peu. Bon, on va y goûter. Tu prêt? Go! Go! J'aime ça, cette saveur-là. Ça goûte le pain. Ça goûte un peu le pain. Un peu de coulis de beurre passé au micro-ondes comme on met dans le popcorn. Mmh. Peut-être griller ça dans le fourneau. Ce serait vraiment délicieux. Peut-être même faire un peu à la pizza. Mais tu sais, c'est que ça se mange pas comme une pizza. Mais tu pourrais te faire des mini-pizzas puis croustiller dedans avec sauce tomate. T'sais. On essaye ça avec la salsa? Je pense que oui. Mais on peut pas faire du double d'épine, il faut finir celle-là. Non, mais j'en ai des cuillères. Ah! Coute ça! Génie. Oh! Ça fait une avoir en crack, hein? Mais oui, hein? Release the Kraken! The Kraken? Bon, je vais t'en mettre dans le couvercle. Ouais, ça se rendra pas jusqu'à moi sans dégâts, ça. Mais oui! T'es-tu mon goal? Hey, là, tu vas te mettre notre public à dos. Pourquoi? C'est toi qui es mon goal, c'est pas le public. Bon, on va aller dans le passage magique, là. Ah ouais, tire-toi le bras! Non, je vais y aller. Je sais pas tous les obstacles que j'ai dans mon chemin. Mais oui, mais t'as tous les lecteurs CD d'ouvert. Mais oui, mais là. On joue même pas de musique. C'est vrai qu'on a joué deux tours dans l'émission. Ok, hey, tu m'as rempli le couvert, toi. Ça veut dire quoi? Ça veut absolument rien dire, mais c'est drôle, dis-moi. Ok, tu m'as rempli le couvert. Nouvel euphémisme. Fait que okay. Je vais goûter assez que ça fasse ça. Oui. Ça goûte juste la salsa. Ok, attention, j'y vais moi aussi. Mais de la salsa, hein, sur n'importe quoi, c'est bon. Parce que... Je suis pas habituée à la moyenne. D'habitude, je prends la douce. La moyenne, c'est ma préférée. Je l'adore, la moyenne. Elle est juste correctement piquante. Mais je trouve que la texture du Broheim... Bro-G's. Fit pas tout à fait avec la salsa. Parce que la salsa, est, ben... Un peu, mais c'est que le biscuit, ou en tout cas le truc en tant que tel, est très, très poreux et mou. A tendance à absorber un peu le liquide de la salsa. Et je trouve qu'à la fin, ça se mâche. C'est pas croustillant comme un Tostitos. C'est moi, vrai. Moi, je préfère du croustillant à du poreux, moussé sec un peu, je trouve. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais pour vrai, si on a juste envie de grignoter quelque chose de croustillant avant de la TV le soir... C'est parfait. Ouais. Puis même, c'est pas désagréable avec la salsa. Si vous voulez une excuse pour manger de la salsa... Ah, bonne idée. C'est une super de bonne alternative qui est comme 1000 fois moins calorique. Et le sel aussi. J'imagine qu'il y a tellement de sel dans les croustilles. Ben oui. Si quelqu'un qui veut consommer moins de sodium... Puis ça, je veux dire, une grande croustille, c'est seulement 20 calories. T'en manges 2-3 avec un peu de salsa, puis t'es bourré, là. Pis c'est une belle petite collation, là. Qu'est-ce que t'en penses? T'as la bouche pleine? C'est très difficile de ne pas faire de dégâts avec tout ça. Donc, faites attention. On le fait évidemment très loin des c'est appareils ça, électroniques. Puis on mange pas ça sur un divan beige qui a pas d'antitache. Exemple, mettons. Je parle en connaissance de cause. C'est ça. Non, adorable. Très bon. Broheim? Brogies? Brogul? Brogul? Puis, il y a une adresse courriel si on va avoir des recettes à faire avec ça. Mm-hmm. Donc, super intéressant. C'est ça que je vais leur écrire. Excuse-moi, Steph, des fois, pendant que je fais d'autres choses, j'oublie si tu as mentionné certains détails. Est-ce que tu as mentionné le fait qu'il y avait des clover, truc, clou de clover, le truc vert en haut, des trèfle. Les trèfles à quatre feuilles. Boy, c'était difficile. À trois feuilles, en fait. Est-ce que tu l'as mentionné? Bizarre. Non, en fait, j'y avais pensé avant, j'ai oublié de le dire. Il y a des feuilles d'érable. Il y a des feuilles d'érable du Canada parce que la fabrication est au Canada. Il y a des feuilles d'érable et des trèfles à trois feuilles. Des trèfles, finalement. En référence à l'Irlande, j'imagine, ça doit être de là que. Ah, sont irlandaises. Peut-être. Les filles. Sont adoptées. Brogin et Brogin. Brogin et Brogin. Les sœurs siamoises attachées. C'est peut-être la même personne avec deux ADN différents. Peut-être. Bon, donc voilà pour la bouffe de la semaine. Merci, Steph. Bon choix. Pour une fois. Pour une fois. Ben, ouais. On vient de pogner de 35%. Bravo, 35%. On est prêt pour faire des recettes avec de la crème à 35%. Je pense que les enfants avec des crèmes 35%. Ben ouais. Ouais. Au retour de cette seule et unique pause de demi-heure qu'on aura pris dans l'émission d'aujourd'hui. Colin, c'est bizarre. Au retour, on aura la malbouffe de la semaine. Alors, restez avec nous. Pour l'instant, avant la pause, j'avais dit tantôt que je vous ferais jouer une chanson de Haim. Haim, Macarena! Pas ceux-là. C'est Haim, le petit groupe de filles. Voici The Wire tout de suite. À Assemblage Rock. Sur c'est vous. Troisième chanson de l'émission. Ça va très bien. Pas de temps de niaiser. It's the hardest thing for me to do, and it's said it's the most important part that relationships will go through. And I gave it all away just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, and not intentionally. You know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when I came down through the wire, it felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled. And when I came down through the wire, it felt bad. It felt right. Opportunities. I try to stay true to you, and I try to do what you wanted from me. And I give it up away just to hear you say that. And I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I. La bouffe de la semaine. Non, non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mentent. Des petits biscuits! C'est la malbouffe de la semaine, le pendant un petit peu malsain de la bouffe de la semaine. C'est-tu petit biscuit dans chèque? C'est pas petit biscuit dans... Il y a un petit biscuit dans Shrek? Mais oui. Je sais pas. Tu connais pas petit biscuit? Oui, je connais pas les biscuits. C'est un personnage en pain d'épices. Ah ouais! Ah oui, j'ai vu... Oui, je sais qui, mais je savais pas qu'il y avait ce nom-là. Petit biscuit. Ah ouais. Ben, en français, en tout cas. Ça se peut bien. J'espère que ça va être bon, parce que j'ai vu ça, puis ça m'a attiré, OK? C'est des biscuits Monaco. Est-ce que tu connais? Ah! Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. C'est par Pepperidge Farm. C'est marqué nouveau. Mais tu sais, est-ce que c'est marqué nouveau depuis 2 ans, on sait pas. Ah, écoute, ça se peut très bien. On s'en sac. Le but, c'est pas que ce soit nouveau, c'est qu'on y a pas goûté. Ben, c'est nouveau pour nous. Nouveau pour nous et nouveau peut-être pour vous. Alors, c'est des Monaco au double chocolat. C'est marqué en bas, et c'est ce qui m'a attiré en premier, des biscuits délicieux. C'est marqué qu'ils sont délicieux. Ah, ben là, si c'est marqué, c'est pas juste... Mais c'est rare qu'ils mettent un déterminant. C'est pas juste écrit biscuits délicieux, c'est des biscuits délicieux. Il aurait pu marquer les biscuits délicieux, ça aurait été encore mieux parce que, tu sais, c'est les biscuits qui sont délicieux. Ouais, sont... ouais. C'est les seuls. En anglais, c'est delicious cookies. Ben, c'est ça, il n'y a pas de déterminant. Voilà. Tu trouves pas que l'emballage, ça ressemble beaucoup à un sac de. Des petits poissons. Des petits poissons! Parce que c'est la même compagnie que des petits poissons. C'est ça, poissons. Ben, pas mal sûr que oui. Des petits poissons, on va aller voir sur le site de Pepperidge Farm, juste pour le fun. Parce que je suis pas mal sûr, oui. Goldfish, exactement. Et voilà! C'est les mêmes que les petits poissons. C'est un sac, comme tu l'as dit, en genre de papier cartonné, comme ils nous ont habitués, avec un petit pli sur le dessus. Qui est scellé, là. OK. Et ensuite, ne peut plus être rattaché. Donc, c'est pas le genre de support avec les petits trucs en métal qui se referment dessus. Comme les sacs de café fancy, là. Genre, il n'y a pas ça. Donc, c'est vraiment une fois ouvert, t'es supposé les manger au complet. Et voilà! Combien de calories pour un biscuit? Oh, deux biscuits, en fait, c'est pour deux. 150 calories. OK. Est-ce que c'est correct? Ben, c'est pas correct. C'est des biscuits. C'est ça. 8 grammes de lipides pour deux biscuits, encore une fois. 0 gras trans, 3,5 grammes de gras saturé, 5 mg de cholestérol, 50 mg de sodium, glucides 18 grammes, protéines 1 gramme. C'est fait de chocolat noir, entre autres, pour commencer. Hein? Ensuite, bon, où ferme la parenthèse de question dans le chocolat noir? OK. Extrait de vanille, farine de blé enrichie, sucre, huile végétale, etc. Il y a des œufs entiers dedans et des blancs d'œufs en poudre. Et c'est quoi la saveur que tu nous as choisie? J'ai choisi double chocolat. Parce que je pense que je vois de l'autre côté qu'il y a d'autres saveurs. On ne peut rien te cacher, Stéphanie Paradis. Il y a d'autres saveurs. Il y a Sausalito, qui est des biscuits au briseau de chocolat. OK. Il y a Chesapeake, qui est avec des noix et des briseaux de chocolat. Et Monaco, donc c'est celui-là, double chocolat. C'est le meilleur. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'aime aussi sa forme. C'est un petit peu... ça ressemble à des doigts de personnes pommelées. Mais des doigts de dames. Des doigts de dames, c'est ça que je cherchais. Des doigts de grosses personnes. Non, des langues de chat. Langues de chat. Des papineaux. Bon, tu l'ouvres-tu, j'ai faim. Attends un peu. Ça a l'air bon. C'est marqué de ne pas l'acheter si le sac a été déchiré ou ouvert. Il était-tu déchiré ou ouvert? Non. Bon, est-ce que va tu veux faire, que je t'arrange ça? C'est ça. Je vais te laisser le faire, en fait. Avec l'aide de notre micro magique, qu'on appellera dorénavant Passe-micro. Pas besoin de nom, je pense que micro magique, c'est bien en masse. Oh, on entend la texture. OK. On dirait que tu te limes les ongles avec le sac. Non, je suis en train de parler en morse. Ah! Oh! Tu dis quoi? Je sais pas. À toi de me le dire. Ouf! Ouh, difficile. Mais rien. Oh. Est-ce que ça sent deux fois plus le chocolat que ça devrait sentir? Ben, en dedans, c'est intéressant. C'est en papier d'aluminium. OK. Est-ce que c'est pour conserver l'humidité et tout et tout? Probablement. Et regarde, on dirait qu'ils sont dans des petites copes de papier à l'intérieur, comme des muffins. Est-ce que chaque biscuit est dans un petit truc à cupcake ou c'est l'emballage au complet de biscuits? En fait, j'ai l'impression que t'as quelques étages. Mm-hmm. Je vais regarder, je vais sortir un étage. OK, juste un étage au complet. Puis on le mange. Oui. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Non. Il y a un biscuit qui va popper, je pense. Ah non, c'est bon. Ah, ok. Ben donc, oui, toi. Ben oui, t'as différents étages. Donc, dans un étage, t'as 1, 2, 3, 4, 5 biscuits. Okay. On va chicaner. On dirait un filtre à café qu'ils ont utilisé pour faire ça. Trop oui. Donc, je vais m'en garder de mon côté. Ouais. Je vais te passer le petit papier. Parfait. Merci. On est tellement trop étendus dans nos affaires aujourd'hui. Donc, allons-y avec l'apparence pour commencer. Ils ont l'air de biscuits sablés. Donc, très, très dur. D'habitude, j'aime pas les biscuits sablés tant que ça. J'en achète pas souvent. Moi, j'aime ça. Écoute, il y avait la plus dodue sur l'emballage, trop. Vrai. Et regarde ça, moi, ils l'ont collé tout croche. J'ai un petit bout de chocolat qui ressort. Erreur de débutant, mais en même temps, du chocolat qui ressort, on veut ça dans la vie. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment deux biscuits style gaufrette, on dirait presque. Hein? Ils ont l'air assez solides. Ils ont l'apparence, non pas d'une gaufrette. Je pense que c'est vraiment des sablés. Non, c'est vraiment... Et on dirait que les deux côtés ont été faits indépendamment en usine, recouverts de chocolat d'un côté chaque, et ensuite ils les ont couplés. Oui, exactement. D'après moi, c'est pas fourré. C'est exactement ça, parce que sur le dessus, tu vois la petite goutte de biscuit avant d'être cuite. Voilà, et quand tu la regardes de côté, on dirait vraiment qu'il y a une séparation entre les deux étages. Oui, ben moi, on la voit bien parce qu'ils sont comme décalés. Bon. Est-ce qu'on goûte? Ah oui. Je vais baisser la trame pour vraiment pouvoir goûter correctement. Je vais me tasser, on va faire des graines. Moi, c'est ça, moi aussi. Attention. Le plus loin possible de tout. Allons-y. C'est beaucoup plus moelleux en bouche que ce que j'aurais cru. Vraiment? Très, très sablé. Tu trouves pas? Le goût de chocolat est quand même léger. C'est pas du chocolat très, très fort. C'est ça. Ça dit chocolat noir sur l'emballage. C'est-à-dire, de fait, ça goûte pas le chocolat là, ça goûte le chocolat noir. Mais léger. Pour les gens qui aiment pas trop le chocolat noir. Mais pourquoi double chocolat? Ouais, pourquoi double chocolat? Parce que si la gaufrette est au chocolat, c'est un double chocolat. Parce que là, il est dippé deux fois. C'est peut-être ça. Double chocolat comme dans chacun des deux biscuits de chaque côté. Ben, ça compte pas. Là. C'est comme... Mais non. Non. C'est juste chocolat. Moi, c'est bon. C'est bon. C'est l'important. Bon. Est-ce que tu en rachèterais? Ouais. Ou tu vas toujours aller vers d'autres choses que tu aimes plus à chaque fois? Probablement, j'irai plus vers d'autres choses. Mais comme je te dis, je ne suis pas un fan de biscuits sablés en tant que biscuit normalement. Je suis un fan de chocolat noir, mais tant qu'à manger du chocolat noir, j'aime goûter du chocolat noir qui goûte vraiment quelque chose. Moi aussi, je suis d'accord. Mais en tant que tel, c'est que je crois, et là, à chaque fois, j'oublie de regarder le prix parce que ça ne change pas grand-chose. Je vais l'acheter pareil si je trouve que ça a l'air bon. Mais j'imagine pareil pour toi, Ada. Mais il me semble qu'il était plus cher que les autres, d'après moi. Mais ça se peut, ça a l'air plus fancy. Ouais, moi, j'ai oublié d'en parler, mais moi, mes Bro G, c'était seulement 3$ pour quand même un gros sac là, de 75 grammes. Mm-hmm. Ça n'a pas l'air beaucoup 75 grammes, là, mais c'est parce que c'est gros et léger. Là. Ouais. Moi, de mon côté, les Pepperidge Farm Monaco, pour ceux qui veulent le nom du produit, Monaco, double chocolat. Il était dans la section dans mon épicerie locale. T'as la rangée des biscuits tout le long du mur. Ben, c'est pas du mur, mais de la rangée. Et il y a toujours une petite section fancy. C'est exact. Avec les petites spiroulines, je sais pas quoi, les petits tuyaux au chocolat, puis les petits biscuits fourrés avec. Tu sais, les fancy sont à droite tout le temps. Et c'était permis ça. Bon. Donc, probablement que c'est un produit plus luxueux. Sais-tu avec quoi je mangerais ça? Je le tremperais dans un bon thé noir. Ah? Avec du lait dedans. Intéressant. C'est un petit classique. Ouais. Oh! J'aime ça, cette idée-là. Mais oui. Cool, donc c'est les Pepperidge Farm Monaco. Plus d'informations sur pepperidgefarm.com. Hey, c'est un succès aujourd'hui, notre bouffe. 2/2. Wow. Surprenant. C'est surprenant. En hommage au chocolat noir supposément double qu'on vient de manger, ils nous diront où était le double là-dedans. On s'en va entendre. Octoplot, dis-le comme faut, t'sais. Et trois fois, le plus possible. Voici Noir foncé. C'est fou. Bonne idée. Yeah. Ben, je pense que c'est à peu près tout. Moi, je me sens rassasié. On a entendu pendant 3 heures des chroniques de la bouffe de la semaine. Je suis plein. Merci, Mathieu Plante. Toi aussi, Stéphanie Paradis. Bonne journée. Bye.